En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 10 de la saison 2017-2018 de la soirée du podcast. Yeah. Un podcast de gros battes. Oh oui, l'alignement de départ pour le podcast de ce soir. Le numéro 21, Dave Thibodeau. Yep. Le numéro 24, Mart Vero. Le numéro 31, Jeff Mallette. Yep. Et le numéro 75, votre animateur, Jeff Cromb. Dave, il n'est pas là assez souvent pour se rappeler qu'il y avait un Q. C'est vrai, je m'en rappelais pas. Ça faisait trop longtemps. Tabarnak. La soirée du podcast. T'aurais dû pratiquer à la maison. Ben ouais, trop concentré à parler tellement gros plus rodé, ouais, c'est ça. Ce show de discussion ouverte sur les activités du Canadien de Montréal, il n'y en a pas beaucoup, là, mais, et de la Ligue nationale de hockey. Ouais. Et on vous en parle, bien sûr, avec passion et numéro boisson. Numéro 75! C'est bon. C'est un delay of game, Al Gill. Hey, j'étais tellement content que personne n'avait jamais pris du 75 jusqu'à temps que c'est Al Gill qui prenne. Il a fucké tout. Il a tout fucké mon plan de vie, de carrière. Fait que là, ton numéro, il est rendu comme un numéro poche. Ben, je peux me coucher à terre pour faire la pieuvre. En fait, c'est un numéro très, très lent. Un numéro très, très lent. Fait que je rappelle à tout le monde qu'on est disponible en direct ça sur Facebook. Ça prendrait peut-être un genre de piano Twitch. Dans le dos à côté de ton numéro. Un logo de piano. Ouais, dans le fond, tu devrais pas avoir un chandail du podcast. Tu devrais avoir un chandail... côte à queue. Non, tu devrais avoir... ou ça ou un chandail rayé d'arbitre. D'arbitre, ben j'en ai un là. Ben non, c'est assez, là, me relayer au rang d'arbitre tout le temps. Ça va pas. C'est comme des notes de piano. Ouais, t'as raison. Ah, mais bon, hey, je te l'accorde même pas celle-là. On va aller faire l'avant-match. Commençons avec les positions du pool. Doi! Fait que. position du pool. Cinquième position dans le pool. Maxime Ouimet. Ouimet. On le dit à chaque fois, sûrement. Là, mais oui. Anyway. Non, c'est pas ça. C'est Maxime Isabelle. Excusez-moi. Maxime Isabelle. Après ça, c'est numéro 4, Maxime Ouimet. Après ça, numéro 3, Nick Chalifou. Après ça, numéro 2, Guillaume Touga. Et le premier, c'est Marc Beltête. Oh. Nick Chalifou, d'ailleurs, que j'ai vu à Arcade Montréal. Marc Beltête, oui. Ouais. Ben, là, ouais. C'est 7 ans. Le gars de l'Ouest était dans l'Est, dans des fêtes. Le gars de l'Ouest était dans Chalifou, l'Est. Nick Chalifou était à l'Arcade Montréal Retro Pack Party. Cool. Ouais, on le salue. Ouais. Ben oui, c'est le troisième. Il fait dire qu'on fait de la belle ouvrage. On le salue. Salut, ah, ben, Dude. On attend toujours ces nouvelles de l'Ouest, mais il n'y a rien qui se passe là-bas. Bon. Ouais, c'est ça. Le département. Il faut juste travailler pour pouvoir se payer un loyer. Ouais, c'est ça. fait que, après ça, pour ce qui est du monde du pôle, les gars du pôle, Mart est sixième. What? Yeah! Represent, Mart. Boom. Mart avec aucun échange depuis le début de la saison. Moi, j'ai un échange, je pense. Je suis le 23e. Après ça, je pense que c'est moi. Ouais, 23e. Après ça, il y a Mallette. Non, il y a GF. Ouais, Mallette 32, GF Cromp 35, Alex Galipo 39. Mais voyons donc. Puis ton frère, puis Alex Cromp, ben lui, il est 56. Et il reste, c'est-à-dire trois personnes derrière lui. Puis, dont Martin Hull. À 56, on te salue. À 58, Martin Hull aussi, on te salue. Hey, Chris, mais il y en a un, c'est qui lui bat toi. C'est qui le dernier? On le nommera pas. On va nommer l'avant-dernier. Ouais, pourquoi pas? Prochain coup. Ah, ben là. Ah non, on nomme le dernier. C'est Yannick Whistle. Whistle. C'est un arbitre, C'est un arbitre. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis j'aimerais souligner que Bav Vomi est toujours derrière moi. Bav Vomi? Ouais. Ouais, il s'appelle pas Bav Vomi dans le Non, c'est son, AKA name. Ah oh, ouais, Bav Vomi. Tu veux pas le nommer... c'est un secret. Vraiment. Je sais pas s'il veut qu'on dévoile son secret identity. C'est sûr que quand t'as le nickname, on n'a pas le temps de niaiser avec ça, les secrets. On n'a pas le temps! Fuck les secrets. Fait que c'est pas mal ça qu'on avait à vous dire. Sinon, comme je disais tantôt, qu'on est disponible sur Facebook Live et sur Twitch en ce moment. Fait que GF prend les commentaires sur Facebook Live, moi sur Twitch. Fait que Jeff t'interrompra si jamais il y a quelqu'un qui dit quelque chose d'intelligent. Marc Beltaille nous salue, il est content qu'on ait nommé son nom. Ah, il vient de nous quitter. Il est là puis il part. Là. C'est ça qu'il a dit, bye. Merci de m'avoir nommé, bye. Il a punché, lui, c'est comme c'est beau, c'est fait. C'est un puncher. Bon, on m'a nommé, je décalisse. On va aller faire la première période. Ça nous donne un vue. Ça nous rajeunit pas dessus. Ça nous rajeunit pas. Fait qu'il y a pas eu beaucoup de matchs entre les deux podcasts qui sont passés parce qu'il y a eu une période de break pour le Canadien. Une belle semaine de repos. Ah ouais, il y a eu une tonne de défaites. Ça a fait du bien de pas voir le Canadien perdre. Il y a eu un bye week qui nous a pas donné une tonne de défaites. Ouais, c'est ça. Fait que 7 janvier, une victoire de 5-2 contre Vancouver, contre les Canucks. Ensuite, le 13 janvier, une défaite de 4-3 contre les Bruins de Boston. C'est là que Dano a reçu le slap shot de Chara. Encore une fois, Chara à la tête. Ouais. Le curse de Chara, man. Mais en tout cas, quand même, chapeau à Chara d'être. Chapeau à Chara, ça se dit bien. Bravo à toi de l'avoir dit. J'aurais pas avoir quelqu'un dans la bouche en le disant. Ouais, d'être resté sur la glace après avoir fait chapeau le coup. Chapeau à Chara, ouais, ben, chacune de chez. Chapeau. Le chapeau à Chara, je sais pas. Les je pense joueurs des Bruins sont restés près de Dano. Bergeron, c'est un de ses grands chums qui disait. Ouais, il s'entraîne avec l'été, je pense. Ouais, mais Chara, c'était un peu accidentel. Oh, ouais, non, tu vois qu'il a réagi comme le gars qui était comme. Ah, c'est ça, tu y es jasé avec, puis il a parlé. Mais il aurait-tu à 40 ans, il aurait-tu sensible? Ça, ça veut dire que t'es fini pour. Ah ouais, il arrêterait. T'es même trop sensible. Tu sais, là, les petites bins sur l'épaule quand quelqu'un est couché à terre. Tu l'as tué. Quand t'es plus capable de rendre un gars la tête en bande. Weber, là, dans tout son palmarès de gars qui a failli tuer sa glace, tu pensais qu'il est allé donner une bin sur l'épaule à chacun? Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Gros, Non, moi, là, Chara, là, je l'aime pas de cœur. C'est à rentrer des gars à tête première d'une bande. Avec le cou bien long, là. Ouais. Ah, c'est fou, hein, la petite girafe. Après ça, c'est vrai qu'il est long, lui. Il est dégueulasse. Le 15 janvier, une défaite de 5-4 contre les Islanders. Tabarais! Puis le 17 janvier, défaite de 4-1. Le retour de Julien à Boston. Fait que t'as donné Tabarais, un paquet de défaites. Ouais, c'est exact. Mais donc, deux en prolongation. Fait qu'on a eu 4 points sur 8. Tavares a fait mal au Canadien. Mais ça fait chier. Oui, parce qu'on descend pas. Parce que si tu gagnes pas, va pas chercher de points. Ouais, ça, c'est un super règlement qui m'écœure un peu. T'sais, c'est comme fuck that. Ouais, là c'est, ouais, là, ça, il serait, un autre il débat, serait ouais. Important, ceux-là, là, tu vois, de pas les avoir, ces points-là. Tant qu'à pas gagner, gagne pas. Il y aurait peut-être plus, du meilleur choix possible. Ben, en même temps, ça donne plus une course serrée à la fin. Ouais, c'est ça. Mais je comprends mais c'est quand éthique du sport, tu fais comme tu perds, t'as pas de points. Mais pas juste éthique. Là, présentement, c'est genre pour réussir à aller, justement, pas aller chercher de points qui te serviront pas à aller faire les séries. Et là, on va se ramasser dans une position comme. Que tu veux pas être. Là. Une position précaire. Ouais, pas dans les séries, mais pas dans le bas. T'sais. Tu vas avoir le plus de chances possible. Genre, on va être avant-dernière position avant de faire les séries, genre 9e. Ouais, mais là, faut finir genre 14 dans l'Est minimum. Là. Ouais, mais... Faudrait pas que Ottawa finisse plus bas que nous autres. Ouais, parce mais qu'on là, pourra pas jamais que... avoir autant non, de ça. Points, aussi peu de points que Buffalo. Parce que les autres sont dégueulasses, je pense qu'ils ont 10 c'est victoires. L'Arizona, Buffalo, ouais, c'est ça. Après ont, ça, il y a ils ont genre à peu près 10-11 victoires, là, une affaire de même. Il y a un autre club, il me semble, qui est pas fort non plus, mais je pourrais pas dire lequel. Je pense que c'est Ottawa, c'est-tu. Ottawa, ils sont en bas de nous autres. Ils sont en bas de nous autres présentement. Ils sont en bas de nous autres. Dans notre division, là, dans le fond, là, c'est Philadelphie, New York, Caroline, Détroit, Floride, Montréal, Ottawa et Buffalo. OK, fait c'est Ottawa. Puis dans l'Ouest, c'est Arizona, puis après ça, je pense que c'est les Oilers. Quelque chose de genre. Fait que ça a aidé Duchesne à Ottawa. C'est... Ouais, ça a c'est fou, hein, parce qu'il était en bonne position Ottawa avant Duchesne, puis là, pff, ça baisse. Ah, mais juste pour revenir ce que tu disais, dans le fond, l'affaire des points, plus. Mais tu sais, c'est parce que là, on parle parce que là, on est dans la cave, puis on voudrait finir dans la cave. Non, mais, si tu te bats pour une place en série, par exemple, ton point, il devient important, par exemple. Les chances, c'est ça que je veux dire. Parce que les chances sont nulles qu'on fasse une série à Star. Il y a des fois que je suis content de l'avoir ce point-là. Quand on est pour se battre en série, justement, pour les places en série, je suis content de l'avoir le point. Mais là il me fait chier. On l'a dit à l'autre chose d'avant que déjà la saison était finie du Canadien, puis là, c'est encore plus vrai. Ouais. Ouais, ben là. Fait que là, tanké, mais ils font jamais. Ils ont 1.4% de chance. 1.7, j'ai vu hier, mais ça change chaque jour. Mais oui, mais là, c'est encore plus vrai. Ce qui cimente toute l'idée que c'est encore plus vrai, c'est quand t'es regardé, tu fais comme Chris, il y a tellement pas de passion. De toute façon, en s'en venant dans le char tantôt, moi et Mart, on a établi le scénario unique que le Canadien pouvait faire les séries. Justement, on allait dire, moi, Jeff, prenez le plancher, vous avez pas été là pendant une couple de shows, fait que faites votre suivi sur le Canadien en ce moment. Mart, puis moi, on a établi le seul plan que le Canadien peut faire les séries cette année. Il n'est pas bien compliqué. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une tempête à Montréal, une tempête de neige. Puis pour une raison, il y avait comme une réunion, puis toutes les équipes étaient à New York, puis partaient de là, puis il y a eu un attentat, puis ils sont toutes mortes, puis le Canadien a gagné le Coupe Stanley. Genre. Par défaut. Ouais, par défaut. Il faudrait que tout le monde meure. Ouais, c'est comme un scénario à la... C'est lancé contre, ça. C'est lancé contre. C'est lancé contre. C'est lancé contre avec un petit peu inspiré du locomotive. Réjean Tremblay. Ouais, c'est ça. Ouais, genre. Mais Réjean Tremblay écoute le show parce que... À l'inverse, par exemple. Les autres, ils ont perdu une équipe, mais le Canadien, il serait la seule équipe. Ouais, tu l'as fait que... T'es mon régent, écoute ça, le show, puis caresse-toi avec finale, ça. La finale, la Coupe Stanley, à cause de ça, c'est genre l'équipe blanche du Canadien contre l'équipe rouge des Canadiens. Là, pis, la peur. C'est probablement des gars de la ligne américaine. Le Canadien contre le Rocket. Ouais, c'est ça. C'est le Rocket qui gagnera la Coupe, probablement. Il y a juste une game, puis genre, c'est des billets pour les enfants. Avec le Five. Le Five gagne la Coupe. C'est son premier gros achievement. C'est tout un scénario. C'est le seul scénario possible. Ah, mais c'est un scénario catastrophe. On vous avertit. Couchez-en. Il y a des chances, ça arrive pas. Il y a plus de chances que ça arrive. Que le Canadien fasse ses séries. Mais ça, c'est juste comme un figure of speech. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour dire qu'ils n'y feront pas. Non, c'est ça. C'est impossible. On prépare le club pour l'an prochain. C'est ça. C'est un brain freeze. On prépare le cube. Le cube. Le cube. Le cube pour faire du Rubik. C'est ça. Voilà. On n'a pas grand-chose à dire en tant que tel. Moi et ouais. Dave, je pense, en fait, qu'on a manqué. On fait-tu non plus moins? Vous avez fait le tour. On les fait comme plus vraiment parce que tout le monde soc, mais on pourrait les faire si vous voulez. On peut les faire. Là, Je peux-tu donner un plus? Mettons, je me basais sur la dernière game. Moi, j'en ai un moins, là. C'est les dernières games. Ah, moi, je vais donner. Bon, on commence par les plus. Puis il va être général. Je peux commencer par m'a donné mon bus à Delaurier parce que si c'est le seul qui travaille. C'est bon plus. C'est. Je comprends pas que le gars de quatrième trio, c'est lui qui est le meilleur. Mais de toute façon, là, on a. Je pense qu'il y a. À peu près trois gars qui valent la peine d'être mentionnés. Delaurier. Peut-être quatre. Les mêmes. Ben, c'est ça. Delaurier. Gallagher. Hudon. Hudon. Puis on pourrait. Price, depuis qu'il est revenu, Mais il a soqué au début. Tu sais, il a fucké quand même un début de saison. Il est supposé nous avoir donné plus de victoires que ça. Ouais, mais Hart, en même temps, tu sais, on soque en défensive. Ouais, je sais, mais. C'est trop pas. Souvent, il nous garde dans le game en tabarnak. En tout cas, dans les dernières semaines. Je peux pas dire qu'il a été mauvais, man. Ben juste en prolongation contre les Islanders, il s'était quasiment jeté à terre. Il avait arrêté le premier de Tavares. Puis malheureusement, c'est un bon Price qu'on a présentement. On n'a pas grand-chose à y reprocher. Mais tu sais, je veux dire, il peut pas gagner des games. Mais je pense que on parle de joueurs. T'as vraiment Hudon, t'as Gallagher, puis t'as Delaurier. C'est les trois gars. C'est ça, des petits bonhommes. C'est les trois gars qui ont du cœur, c'est à l'ouvrage. Avant qu'on parle des moins, qu'est-ce que vous avez pensé de la donut line qui a duré une période? Moi quand j'ai vu qu'ils mettaient De La Rose au training, au centre de Drouin puis Galchenyuk, j'ai ri. Ça n'a pas de bon sens. J'ai ri parce que je trouvais que c'était complètement exécrable comme choix. Puis... Mais là, c'était-tu pour tanker ou c'est parce que là, il est rendu là, on essaye des affaires? Il essaie des affaires, je dirais. Ben, c'est parce que là, il voulait enlever. C'est pas compliqué, ça a duré 22 minutes à peu près. Ouais, c'est genre, c'est une période et demie à peu près au max. Une période et des poussières. Ben, c'était pathétique. Ouais, mais De La Rose avait coûté deux buts juste dans cette période de temps. Je le déteste. Ouais, mais il est dégueulasse. Mais il peut pas jouer. En plus, quand il fait une erreur, là, il veut même pas essayer de la réparer. Il sait pas comment. C'est une passe. Il sait pas comment. Mais Galchenyuk, c'est le même genre de joueur. Quand il fait une erreur, il essaie pas de la réparer. Sauf qu'il produit des points. Galchenyuk, si j'aurais un plus à donner, c'est ça. Si j'aurais un plus à donner, moi, personnellement, Galchenyuk, parce que je trouve qu'il y a une amélioration versus le début de la saison. Hey, c'est notre meilleur marqueur. C'est notre meilleur pointeur, mais pour vrai, il te compte plus de buts qu'il t'en donne. Parce qu'il est des moins. C'est ça, mais je trouve que l'éthique de travail est beaucoup mieux que celle d'État avant. Check le club, tout le club quasiment est des moins. Là. Check les joueurs qui te produisent des points, puis check celui qui te rapporte le plus selon le nombre de points versus le nombre de moins qu'il est. Là. Puis Chris, c'est sérieusement, pas les gars que tu penses qui nous rapporte le plus. Je pense que c'est comme Plekki qui fait le moins mal à l'équipe à peu près dans les années. C'est pour ça que bon Bergevin va le signer 14 millions pour 2 ans. Moi, l'affaire de cette ligne-là, de ce que je catch pas, quand il a fait ça, donut line. Quand il a fait ça... The donut line. Mais quand il a fait ça, je veux dire, Chris, tu vas placer le gars, tu t'enlèves le gars, OK, tu vas... Tu sors pas au début. Tu vas chercher Drouin. Tu le signes comme un centre. Tu dis, OK, man, tu t'en viens à Montréal, tu es un centre. Tu vas avoir du temps de glace, tu vas avoir tout ça. Lui, il est comme, moi, c'est yes, all right. C'est ça, mon là, point. Il te le crisse à l'aile. Il te le calisse à l'aile. Mais il te le crisse à l'aile. Quand il décide de faire ce changement-là, assez drastique, sûrement dans la tête de Drouin, que lui fait comme, tabarnak. Là, je joue à l'aile. Là, je suis plus un centre. Non, mais c'est pas juste ça, Marc. Tu calisses Drouin à l'aile au moment où. T'as besoin de centre. Ouais, parce Dano, que il vient d'être blessé. Dano est blessé, puis Shaw, qui joue des fois au centre, est pas là. Ouais, mais ça aurait dû faire un bout qui aurait été à l'aile. Oui, ça aurait dû faire un bout. Mais là, tu le mets à l'aile, quand tu as besoin d'un centre. C'est pas de Larose qui va aller faire la job non, au centre sur un mais trio là, avec Galchenyuk. Quand il décide genre de le switcher. C'était le seul qui joue au centre régulièrement cette saison, mettons qu'il restait dans l'alignement quasiment. T'avais de Larose, t'avais Fraze, t'as Plekanec, honnêtement, c'était pas le moment d'enlever Drouin du centre. Non, ça c'est sûr. Si t'enlèves Drouin du centre, mais tu mets Chucky, man. Moi je l'aurais essayé, Chucky. Ben je pense que c'est un peu plus. Fait que là, finalement. Le shot que tu décides de prendre la décision d'enlever ce gars-là du centre, ton centre numéro 1, Chris, tu y mets de la rose au centre avec lui. Tu veux que je le teste? Si tu veux l'essayer, vas-y. Il voulait l'essayer, ça n'a pas marché. C'est dégueulasse, Steven. C'est ça, ça n'a pas donné les résultats. Ça aurait changé la de la game jeudi, je ne sais pas, peut-être que oui. Mais regarde, il n'y a aucune explication pour ça. Mais je pense qu'ils ont voulu faire ça. Peut-être pour essayer de relancer Drouin, parce que Drouin... Tabarnak, tu vas pas relancer Drouin en collant de la rose au centre. Là. Non, mais ils ont voulu relancer Drouin en leur mettant à l'aile pour qu'il soit moins en train de penser sa glace. Oui, mais c'est qui feed un ailier? Hostie, c'est un centre. C'est joueur de centre. C'est joueur de Christ. Sauf que... On n'a pas de gros centre. Ben non, on n'a pas. Ils l'ont essayé, ça a duré 2 secondes. On n'aura pas, il l'a dit Bergeron. Non, mais dans la hiérarchie, là, c'est ton centre numéro 1. Là, que, ils l'ont comme name-tagué centre numéro 1, si on veut. Là, parce qu'ils ont tassé Chucky pour lui. Ben, puis il crisse de la rose quand il se décide à le mettre au centre. Moi, donne-y Plekky. Moi, pour vrai, c'est... Ouais, j'aurais fait, j'aurais mis Plekky à la place au centre de Drouin. Donne-y un centre d'expérience. Ou Udon, j'aurais essayé Udon, peut-être. Mais Plekky, il a pas joué au centre. Mais il a déjà joué au centre. Non, je veux dire, cette année... Non, Udon, il a pas joué au centre à Montréal. Non, mais pour vrai... Il a déjà joué au centre, mettons, pour le club école. Mais Plekky, c'est une bonne option, rendu là. Oui, c'est une bonne option. Essayez-le tant qu'à mettre de la rose. Mais moi, ça, c'est mon moins. Même si c'est Plekky, on l'a ISC qui se crème, on n'a pas grand-chose à y reprocher. C'est le meilleur joueur de centre cette année. Mon moins, là, c'est Drouin, mais pas Drouin en tant que tel. C'est Drouin au centre. C'est ça mon moins à date. Je pense général. Là. Son utilisation à Drouin au centre, elle fonctionne pas. Moi, je le voyais c'est pas. C'est une pas grosse comme un crise d'interrogation. Moi non plus. Ben, on l'avait puis jamais vu évoluer, essayé, mais gars. Il n'y a ça pas de chimie avec Pacquiao. Ça ne marche pas de chimie avec personne. Colle-le à l'aile, mais le problème, c'est qu'on n'a pas rien. On n'a pas de profondeur pour au centre. Le nourrir, même. Bon, non, la seule affaire, faut que tu le nourrisses. Là. Faut que tu lui donnes. Il est capable de la monter. Faut que tu le nourrisses. Nourris. Non, mais il y aurait. Mais c'est parce que. Bourre, il serait bon s'il y avait des bons ailiers avec lui en tant que tel. Mais pourtant, il joue avec un des ailiers plus talentueux en Galchenyuk. Oui, mais tant peu. Sa position de centre est en train de se dégrader tranquillement parce que là, ça a commencé centre. Il était sur sa position, ça va super bien. Après ça, il s'est fait voler ses face-offs. Parce que là, ils se sont rendu compte qu'il n'était pas capable de prendre des face-offs importants. On va changer un petit. Fait que là, on s'entend que ça, c'est un centre. Là, on retombe dans la même équation que Galchenyuk l'année passée. Mais je pense pas qu'ils vont le mêler tant que ça. Ce ne sera pas une saga Galchenyuk. J'ai l'impression que le bal est parti. Non. Le bal canadien de Montréal vient d'enclencher. Galchenyuk, ça a duré 5 ans, cette histoire-là. Puis avec Drouin, ça ne fera pas le même chiard. Ouais, mais dans la tête du joueur, ça fait quoi? Non, je ne penserais pas. Je suis plus un centre. Ben, il s'en fout. Drouin, il veut produire. Il va jouer ce qu'il veut pour produire. Ben, j'y souhaite que dans son mindset ça soit genre comme « Merci, vous me collez ça à l'aile. C'est là que non, je suis à l'aise. » Non, mais c'est parce que dans le fond, ce qui arrive, là, j'espère que ça soit ça que je pense. Je l'ai appris de Chris Nyland. Ça prend quelqu'un, puis Chris, mettez-moi ça à l'aile. Mais j'ai appris ça de Chris Nyland parce que lui, il faisait référence à Galchenyuk, puis je pense que c'est... Peut-être que Drouin, c'est pareil. Galchenyuk, là, il voulait pas jouer au centre. Ouais, j'ai entendu ça, moi, d'où. Honnêtement, là, les deux ensemble, Galchenyuk et Drouin, c'est pas mauvais. Fait que tu leur C'est les deux gars qui ont plus d'imagination à l'offensive. C'est des gars créatifs. Ben, c'est parce que Galchenyuk a un calice de shot. Puis Drouin peut le fider avec ses pattes. Il est capable de le fider puis il est capable de la crisser dedans s'il y a de quoi qui arrive. Les deux peuvent faire ça. Il y a deux options. Fait qu'un gros là, il est fourrant en tabarnak. Tu leur calices un centre responsable défensivement qui est capable de la monter la rondelle. Mais qui va attendre, c'est pas un esti de Gomez qui va partir comme un esti de chevreuil puis qui va arriver dans l'autre, va faire comme ils sont où? Lobé la mouille, lobé la mouille. C'est ça, ben, la réalité. Un gars qui va attendre ses alliés puis qui va monter comme il faut. Chris commence à pêcher loin, Gomez. Ben, c'est ça qu'il faisait, Chris. Il faisait fuck out un chevreuil, man. Il montait ça dans le fond, man. Ben, Plekky, c'est la même calice d'affaires. C'est juste que lui, il réussit à traverser à bleu, mais. Il va coller ça avant. Ouais, il va comme... coller ça avant. Oh, puis là, elle passe en arrière ou dans le fond. Ben, c'est juste pour revenir sur le fait que Galchenyuk n'a pas joué au centre. Là. Ouais. Ça les fait chier d'avoir à se concentrer sur autre chose que leur offensive. C'est pour ça que Galchenyuk, dans le fond, il dit à l'aile, il a juste besoin de faire une affaire. shooter au net, faire ce que, en zone offensive, être créatif, puis après ça, backer, puis se couvrir le défenseur quand ils sont dans la zone défensive. Drouin, c'est probablement la même chose, parce que eux autres, ils veulent produire, puis jouer au centre, ça les fait chier, ou peut-être pas faire chier, mais ça leur manque, ils pensent trop ça à la glace. Fait que ça nuit à leur jeu. Ouais. Puis un jour, on va peut-être avoir un joueur de centre pour pouvoir couvrir les trous qu'on a, parce que là, on risque d'en perdre. Ben, c'est pas on risque, on va en perdre un autre dans les prochaines semaines, c'est Plekanec. Fait qu'on va chavoir Dano, qui est joueur de centre. Avec... On va en perdre un autre. Lui, il est convaincu. Plekanec, d'après moi, c'est un gars qui va partir d'ici la date limite des échanges. Ah, ben moi honnêtement, oui, s'il y a une équipe qui le veut, je suis prêt. Déjà, à... lui, il mais... est en année de ouais, ouais, mais t'auras rien pour lui. Parce un que... choix de deuxième round. T'es malade. Jamais un choix de deuxième round. Honnêtement, je suis prêt à gager avec vous autres. Sérieusement. Pas dans le marché actuel. Qu'est-ce que tu penses qu'il vaut? Hein? Qu'est-ce que tu penses qu'il vaut? Un 4-5. Il vaut autant que Torrey Mitchell? Je te garantis que non, man. Avant la date limite des transactions, ça va falloir plus cher. À date limite, ben oui, c'est comme ça. Moi, je pense qu'il ne se passera rien. Moi, moi, honnêtement, là, si on a un deuxième choix, moi, je pense qu'on va chercher un beau bottom six. Je vais être vraiment, vraiment content. Les gars de NHL. On va aller chercher, là. On va aller chercher un là. Tant mieux, OK, si ça arrive. Non, je te dis ça qui va arriver. Mais moi, un que je veux qui s'en aille, ouais, c'est Patchio. Ouais, ben ça aussi. Mais Plekanec, c'est plus réalisable qu'il se fasse ça parce qu'il n'y a pas de contrat. Patchio, je peux pas croire qu'on peut pas trouver quelque chose de bon pour ça. Ce gars-là coûte vraiment pas grand-chose. Puis il reste quoi? Un ou deux ans encore de contrat? Il reste une autre année. Une autre année de contrat à pas cher. À 5 millions. Tu colles ça dans un... Ça, mettons, là, compare ça, mettons, Phil Kessel, James Neal. Colles-y un bon centre, là. Il va aller mettre la puck dans il le va faire son c'est son ça puis ça serait un élément intéressant pour les mais c'est de savoir et 40 buts dans une saison c'est pour de savoir une équipe. Si une équipe sont prêtes à, parce que Patchio sa valeur je dirais qu'elle vaut plus là qu'elle vaudrait mettons cet été parce que tu sais là tu peux avoir deux rondes de ces deux playoffs. Ah, tu veux dire avec si tu vas chercher Patchio là pour une équipe genre Patchio non Patchio c'est cette année à la date limite des transactions faut qu'il parte c'est là qu'il va valoir le plus cher parce que pour l'équipe qui va aller le chercher ils vont avoir les playoffs cette année puis on les playoffs l'année prochaine fait que tu as chance de l'avoir pour deux playoffs mais admettons mais c'est de savoir si l'offre tu vas avoir il faut pas juste s'en débarrasser de Patchio pour avoir de quoi de bon une bonne valeur ça prend un choix et un prospect minimum mais il peut avoir une bonne valeur cet été aussi parce qu'une équipe qui veut se bâtir oui c'est sûr mais une équipe qui a la fenêtre ouverte admettons va faire comme ben OK. Ouais, parce il va valoir, il va valoir quand même de mais quoi. On... Mais si, mais si, c'est sûr que si peu, Bergevin, oui, il échange à la date limite des échanges, il va... Lui, tu sais, genre... Mais imagine-toi un team, il prendra mettons, pas là. Un low baller. Là, non, c'est clair. Non, imagine, au pire, il va le garder pour être pogné avec jusqu'à la fin, puis on n'aura rien pour, puis on bâtira pas pogné, dans le comme avec Plek. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi le bug avec lui. C'est pas qu'il y a un bug. Il n'y a pas de bug. C'est qu'on n'a pas de centre, man. On n'a pas personne pour filer. OK, tu veux dire qu'il y a le bug avec Patchio. Ouais, mais Patchio, il joue comme la merde. Patchio, il n'a pas le spirit. Mart, là. C'est ça, mais Mart, il n'y a pas d'émotion, Patchio. Le là. Dernier centre numéro 1 du Canadien digne de mention. Sakukoyevu. Vincent Danfoss. Ouais. Ben, Sakukoyevu, c'était pas méchant, Chris. Ben, Sakukoyevu, c'était un deuxième. Là. Il y a eu des up and down, mais il était premier à Montréal. Il était premier par défaut. C'est ça, mais il a rendu de fier service. Il a été très bon. Non, non, non. Il a fait ce qu'il avait à faire, mais c'était pas un premier centre de mention. Ah, OK, ben, faut que tu dises un bon premier centre. Mais j'ai dit un premier centre digne de mention. La maladie des Canadiens de Montréal a commencé avec Sakukoyevu. Tu sais, genre, la maladie de « on n'a pas de premier centre », ça a commencé avec genre « on a un deuxième centre, puis on fait croire que c'est un numéro un ». C'était qui avant Koyevu, nos plus gros gens? Pierre Turgeon, t'avais Turgeon puis Danfoss ça même temps. Turgeon, Danfoss, t'as eu Carbo qui était un asti de bon. Là, ça t'est débarrassé parce que c'était pas un fuck you. Non, mais c'était tout un troisième. C'était tout un troisième centre de luxe. C'était un fuck you. Avec Kirk Muller aussi avant ça. Captain Kirk. Captain Kirk. Chris, man, on a eu des bons centres, mais là, man, depuis des années, on a pas de centre à Montréal. On a eu... Mettons, ça fait... Puis nomme-moi une équipe de la Ligue nationale dans les dernières années qui n'a pas un centre digne de mention. On a eu Billy. Ben attends, ben, je vais te poser une question parce que je l'avais demandé à J.A., je vais la poser à vous autres. Je sais pas, vas-y, donc voir. Combien de joueurs de centre dignes de mention ont fait 60 points et plus dans la Ligue nationale la saison passée? Si vous êtes capable de me donner un chiffre vite. Mais le nombre de joueurs qui l'ont fait, je ne sais pas, peut-être, c'est sûr qu'il l'a fait. Non, mais non, vite demain, genre, mettons, il y a 30 équipes, combien qu'il y en a eu de joueurs de centre qui ont fait 60 points et plus? Ah, il doit en avoir 3, là, 3, 4. Ah non, il y en a plus que 3, d'après moi. 3-4, c'est pas beaucoup. Là. Juste à Cross. C'est-à-dire qu'ils sont tous à Pittsburgh, quasiment. Ouais, c'est ça. Là. Parce que Matthews, Matthews, c'est un joueur de centre. Crosby, c'est un joueur de centre. Malkin, c'est un joueur de centre. Chris Backstrom, ah ouais, Backstrom, il est du centre? Oui. Bäckström est centre. Fait ok, fait que t'en as genre 10, peut-être 10. Ah, moi, je pense qu'on en a peut-être plus que 10. 11? Il y en a 15 seulement. Mais 15, man! 15, c'est 15 sur 30 équipes, ça veut dire que 15 équipes qui n'ont pas de joueurs de centre dignes de mention qui font 60 points et plus. Ouais, mais ça veut pas. Oui, oui. Puis là-dedans, Pittsburgh en a deux. Attends, mais attends, t'as combien d'équipes qui font les séries par année? Il y en a 16. Ah! Puis t'as 15 joueurs qui ont des. T'as 15 équipes qui en ont des dignes de mention. Dallas en avait, mais ils n'ont pas fait des playoffs. Non, mais c'est pas mal de la réalité. Ouais, faudrait qu'on check ça. Pas qu'on ferait des matchs à soir. Mais c'est ça, mais check le ratio, puis ça dit, ça va pas faire des moyens. Les Kings, il y avait un centre dignes de mention, ils n'ont pas fait des playoffs. Non, mais les oui, Kings mais dans les dernières sont... années, OK, mais là, c'est quoi ton point, toi, là, avec non, tout ça? Non, je suis d'accord, mais... Il y avait qui comme centre? Les mêmes qui ont présentement. Calmez-vous, là. Les Kings, anyway, ils comptent pas, eux autres. C'est une équipe qui a pas rapport. Eux autres, une année, ils font un playoff, l'année d'après, ils finissent dans la cale. C'est... Ouais, c'est... Ben, ils font pas les playoffs, ils gagnent la coupe, ils finissent dans la cale. Ça n'a pas de bon sens. Après ça, ils gagnent la coupe, là. Non, c'est ça, mais c'est juste pour dire que... OK, mais c'était quoi ton point, ça? C'est juste pour dire que... Pour répondre à la question à Dave, il y en a pas beaucoup de centres dignes de mention. C'est la moitié de la ligue, quasiment. Ben, c'est pas beaucoup. Il y a 15 équipes qui en ont pas. 13, 16 cette année. Okay, mais il était ton sondage à donc, 50 points et plus, mettons. 60, c'est donc, beaucoup, pareil. Là. Donc, nous autres, ça fait 50 genre 15 points, c'est ans. On a plein de 50 points, nous autres. Ah, mais attends, le Taze, là, tu considères-tu que c'est un premier centre digne de mention? Ben oui, il a fait 60 points et plus en plus. Oui, mais il fait pas beaucoup plus que 60 points. Non, mais c'est excellent, tout ce qu'il fait à l'heure de ça, là. Mais c'est ça, man. C'est ça, je te dis. Tu sais, tu peux en avoir qui en font genre 50 parce que Taze, ouais, mais Bergeron, parce que Taze, Bergeron, il a fait 60 points. En tabarnak. Parce que Taze, que là, c'est penalty killing, là, sur tout, là. Oui, je le sais, mais faut que tu considères ça dans des joueurs qui ont genre peut-être 55 et plus aussi. Tu peux pas prendre juste les points. Non plus là, pour ça, il faut t'as d'autres affaires évaluées pour mais un même change extra, ton affaire juste à 5 ouais, points. Il y en a pas beaucoup. Même que lui, c'est parce que lui, c'est un joueur de 60 beaucoup, qui est extra mention parce qu'il fait toutes les autres sphères du jeu aussi. Parce que des centres de 50 t'as points, il y en a sûrement. L'année passée, on avait des joueurs juste qui avaient 50 points. Que le Canucks en était un. Juste fini en disant que tu as envie de chier. Ouais, puis Dano et Shaw sont blessés, puis on allait chercher un autre Shaw pour le remplacer, Logan. Logan Shaw. On s'en calisse. Il joue à soir, il je pense. Il n'a pas joué à Boston, lui. Là. Non, il joue pour les Ducks. Les Ducks? Ouais, il vient des Ducks. Il vient des Ducks, non? Les Ducks de la gang. Dans le national, je ne pourrais pas. Je n'ai pas vu. Fait que c'est ça. Sur ça, on va aller faire une entrée pour venir pour la deuxième période. All right. C'est ça? Excellent. C'est quoi le bébé? C'était la pub de YouTube. Ah, OK. Ah. C'est quoi qui se passe? Yeah! En espérant qu'on ne se pas couper notre feed. Voilà. C'est terminé. Le meilleur bout. Mais c'était avant que ça se fasse couper sur notre feed. Là. Ta gueule! C'était pas ce bout-là qu'il fallait qu'il nous coupe. Oh! On le fera tantôt dans la cuisine. On va faire ça en troisième période. Ah, c'est que c'est rare. OK, tantôt, on revient avec ça. On revient. On revient avec la suite. OK, c'est comme des nouvelles dans le temps. C'était écrit dans le journal. T'en avais un bout par semaine. Fallait que tu rapièces ça à la fin du mois. On est dans les archives. On va être punché pour la troisième. On va taper les bouts de bobine ensemble. Stay tuned. On est retour pour la deuxième période. Man. On est retour. On est retour de retour. Je suis retour. On est retour. On est retour. Johnny 5. Hey, je pense que je vais l'utiliser à temps. Ah oui. Après ça, j'ai pas. Est-ce que je suis jamais capable de partager un moment de Johnny 5 avec personne? Genre là. Quand t'as un enfant, là, pis il a genre deux ans et demi à peu près, là, il parle comme Johnny 5, là. Ah, oh, bobo, oh, faim. OK. Fait que, on est en deuxième période, le temps des extraits audio, et tous les extraits ce soir seront tirés de la conférence bilan de mi-saison de Marc Bergevin. Parce que j'ai compris Mylène. Moi, j'ai compris Mylène. C'est Mylène bi-saison. J'ai comme tabarnak. Dit qui c'est Mylène bi-saison. Les extraits de la conférence sont tirés de celle des Jeux olympiques de Pyongyang. Ouais, en avance, là. Non, fait que le bon Marc a des comptes à nous rendre avec une saison de merde comme ça. Fait qu'il y a bien des extraits audio intéressants. Bon, Marc, il peut même manger la nuce. C'est cool parce que je l'ai même pas écouté cette conférence-là parce que je m'en colle. lit ça. Ouais, mais il y a des bons moments savoureux de langage très bon de Marc Bergevin. Il y en a un que j'ai entendu qu'on s'était partagé. Ouais, et on s'est partagé un que c'est mon préféré. Je pense qu'il est le premier. Mais en tout cas, premier extrait, en fait. On a demandé à Marc, pourquoi tu penses que l'équipe a chié cette année? Ça, c'est la traduction à JF de pourquoi l'équipe est mauvaise, là, qu'on écoute. OK, bien, premièrement, sur les 41 matchs, 8 points, je crois. Il y a beaucoup d'équipes entre nous deux, mais en général, c'est 8 points. Tu peux dire 4 à 5 victoires dans les 40 premiers matchs. On a une situation différente, mais on s'est mis dans cette situation-là en partant, alors on ne se le cache pas. Je pense que le gros... Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas une chose en particulier. Je ne peux pas dire une chose qui nous met où ce qu'on est aujourd'hui. Il y a beaucoup de clair, choses qui n'ont pas été. Mais le mot en général, c'est régularité. On a manqué beaucoup de constance dans notre jeu. On a eu des bons moments. Puis on a eu un mauvais départ, des bons moments. Puis on a retourné dans des mauvaises habitudes qui nous ont coûté des matchs. Puis aujourd'hui, on est une situation difficile, mais l'espoir n'est pas perdu. Ben, l'espoir n'est pas perdu. Le sport n'est pas perdu. Isole-moi ça. Régularité. Isole-le. Ah, je vais le faire, effectivement. Tabarnak. Pour parler d'un moins d'un joueur. Ouais, pour parler d'un moins, ça pourrait aller avec celui-là ici que j'avais isolé aussi pour vous autres. Là. Never forget Claude Julien. Ouais, vous avez peut-être pas entendu, il y avait celle-là, puis je n'avais isolé deux autres du bon Claude. Ah, je sais pas, écoute. Puis j'avais ça. C'est pas supposé. Voilà, fait que le Claude est là, mais Claude n'est pas dans les extraits ce soir, malheureusement. C'est juste le bon Marc. C'est sûr, il aurait sûrement été capable Deuxième de parler d'un match. Deuxième question qu'on a posée à Marc, c'est « Penses-tu que la solution se trouve toujours dans le vestiaire, mon Marc? » Oui, écoute, c'est certain que j'ai toujours, comme tu as mentionné, le fait, j'ai pas peur de faire des transactions si nécessaire. Mais encore là, les réalités de Ligue nationale aujourd'hui, c'est à toutes les années. Surtout, je pense que la raison principale, c'est la masse salariale. C'est très difficile de faire que les chiffres fonctionnent. Ah ouais, c'est ça. On a 8 millions dans la période mais... que les autres clubs, le problème. Nous autres, on est supposé se taper ça, ce genre de réponse. Je crois encore là. En eux. Mais encore là, la marge d'erreur est très mince en ce moment. La marge d'erreur. La marge d'erreur. Quelle marge d'erreur? Il n'y a pas de marge d'erreur. C'est pas ça qu'on parle. C'est la marge de... C'est la masse salariale. Le problème, on a 8 millions. Moi, j'aime ça. Hein. Ce genre d'affaire-là, ça me fait vraiment penser à un vendeur qui essaie de me vendre quelque chose que j'y ai dit que j'ai pas les moyens de me payer autant, mais qui essaie de me le vendre pareil avec genre des paiements par mois. Là. Il t'étale ça différemment, il joue avec les chiffres pour... Ah, mais il y a moyen, tu sais. Puis ça, pense-y, c'est pas plus cher que genre 3 cafés par mois, whatever. Là, ouais. C'est comme Chris, il fait rien que bouger les choses pour te... Ah, moi j'achète pas, là, tu sais. Mais JF trouve qu'il fait le bon job, le bon marque, par exemple. De Laurier, c'est un bon mot cette année, faut pas tabarnak, le faire. Tabarnak, JF! Mais il peut pas faire juste des mauvais mots. Mais il fait-tu des bons moves importants? Non. C'est là qu'il est la fin. C'est Laurier ou Jeff, c'est pas ça le problème. Il a fait combien de mauvais moves cet été? C'est pas ça le problème. Il y en avait des bons, des fois. Non, non, mais t'as peu, t'as peu. Il a pas fait de bons moves. Non, il en a fait combien de moves? Ben, le move qu'il a fait, c'est de pas renouveler ni Markov, ni Radulov. Non, mais Jeff, il a insulté Markov. Ça, c'est le move qu'il a pas fait. Je peux pas mettre la blâme sur lui, mais ça, c'est... Jeff, il a mis blâme sur Boston. Sur les joueurs. Sérieusement, là... Arrête de nous faire accroître. Pas toi, là, mais je veux dire. Marc. Le bon Marc. Marc. Marc, écoute. Marc. C'est à toi qu'on parle. Non, Marc, écoute. Marc, écoute. Check bien ça. Le n'est pas classé. L'affaire, là, c'est Marc, arrête de te comporter comme si tout était correct, hostie, puis arrête de relativiser, puis essayer de... Tu peux plus faire ça. Tu peux plus faire ça. C'est juste ça le point. Qu'est-ce que bon tu veux dire move, faire ça? Je comprends pas ton bon sens. Move, bad move, arrête d'excuser genre tout puis d'essayer de trouver une raison de justifier. Ben c'est parce que mettons c'est plus endurable. Mettons il est aveugle, si il fait l'aveugle. Si Pierre Gauthier sera encore DG, qu'est-ce que lui Pierre a Gauthier, à la place? Pierre Gauthier. C'est l'affaire c'est que Marc il Ouais mais gars, écoute bien, là GF first là, c'est plus Pierre Gauthier. Enfin, reviens-moi pas sur Pierre Gauthier. Là c'est actuellement. Puis actuellement, le gars, il fait comme si il y a de l'aveuglement volontaire. puis il veut pas se rendre compte, puis je sais pas jusqu'à quel point, mais Chris, ah non, mais attends, il se rend pas compte. Moi, je pense qu'il sait très bien, ouais, mais arrête, puis il est pas ça, capable de patiner, il est pas capable de genre... Il pourrait être politicien comme du monde. Non, il est pas capable de bien faire sa job de politicien, puis de nous dire de la bullshit, si. Mais que ça paraisse pas. Il est trop demeuré, je pense, pour ça. Je m'excuse. Trop des gros pipes. Ben, la bullshit, il en parle. Il est pas pour dire, bon, ben là, cette année, on lance la serviette, fait qu'on a décidé de pas faire les signes. Non, mais il y a une manière de comme... Non. Ça se dit dire que le club, il soc. De manière professionnelle. Ça se dit de manière professionnelle. Ça se dit dire comme, écoute... Ouais, mais c'est touché parce que les joueurs, ils vont capoter. Docteur Rella, c'est ça, mais les joueurs, là, c'est-tu, là? Ouais, mais les joueurs, c'est quoi? C'est les fans qui payent en bas. C'est le monde qui paye. Les joueurs, en ce moment, ils soquent même en essayant de les protéger. Honnêtement, là, oui, les joueurs, je comprends, mais tu sais, les joueurs sont responsables d'une partie du problème, mais... Marc est responsable d'une partie du problème. Il est responsable d'une partie, une grosse partie du problème. Ouais, une énorme partie du problème. Arrête de dire, genre, la solution est dans le vestiaire. Ta gueule. Dis pas la solution est dans le vestiaire. Ma défensive est meilleure que l'année passée. Parce que là, tu attaques directement ton goaler numéro 1. J'ai confiance en ma défensive. Dis, la solution, ben j'ai pas su amener les éléments ou fais juste pas dire. Il ben, y a pas de gars de PR derrière Bergevin. Il y a un styliste derrière Bergevin. Il y en a trop. Donald Beauchamp, il y a un mauvais. Ce qu'il y a là, ouais, c'est un styliste puis un entraîneur privé. Un gars qui paye ses loafers. Tu sais, c'est sûr que, mettons, il va dire ah, ben la solution dans le vestiaire. Tu sais, mettons, là, il commence cette année puis ça va pas bien, là. T'sais, quel move, honnêtement, il aurait pu faire pour améliorer le club au mois d'octobre? C'est pas cette année le problème. C'est pas pendant la saison le problème. C'est le résultat de plusieurs moves des années passées qu'on a subir en ce moment, je pense. Moi, je dirais que c'est plus des moves qui ont eu lieu cet été, qui ont fait vraiment... Ah non, ça part de l'échange de Souban, je m'excuse, mais c'est de là que son plan a commencé à chier à Bergevin complètement. Pourtant, l'année passée, on a fait des séries malgré... Ouais, mais c'est pas grave, ça. C'est pas ça le point. Même si on a fait des séries... On n'a pas étoffé longtemps. Tu vois, quand on arrive en série, on n'a pas l'équipe. Non, on n'a pas l'équipe pour faire les séries. Même si on les fait, on n'a pas l'équipe sur cette année, non. L'année passée, non plus, je pense pas. Mais l'année passée, on a fini premier de notre division. Tu peux pas dire ça. Ouais, mais on est sorti à quoi, première ronde? Chicago, c'était pareil. On a fini premier de notre division. Non, mais on n'a pas l'équipe pour toffer comme les quatre rondes de playoffs. Ben, non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Quatre rondes, non, ça, je suis d'accord. Mais par contre, je suis pas prêt à dire que ça commençait avec l'échange de Subban. Parce qu'on a fini premier de division. C'est pas rien. On se contente d'une ronde? Ben oui, tout a commencé avec Subban, man. Ouais. C'est là que ça s'est bien chié. On avait fini premier de notre division l'année passée. On n'a pas été dans la marge. C'est non, mais ça compte, esti. Ben, mais l'année passée, on avait encore marqué. C'est dommage à long terme. C'est pour ça que je dis que moi, ça a plus commencé cet été. Non, mais ça a commencé quand? Ça a commencé Markov. On a fini premier. Oui, check bien sûr. Mais non, mais attends, j'ai cherché Weber cette année-là. Markov, on savait qu'il ne restait plus beaucoup d'années. Fait qu'il y a quelque chose qu'il fallait que Bergevin fasse parce que ça s'en vient, sa retraite. Radulov, c'était Christmas Patch parce qu'on savait que. C'était sûr qu'il signerait pas à long terme Montréal Radulov. Jamais en 100 ans. Je savais pas. Mais non, j'étais sûr que non. C'était un point d'interrogation. Mais il aurait pu, mais il est parti. Fait mais on avait-tu un si gros questionnement que. Ok, check bien ça. J'haïs pas le trade de Subban contre Weber. Weber est très bon. On était tous contents qu'il ait pas Weber, puis je l'aime encore Weber, puis Weber fait une bonne job. Ben oui. Quand il fait sa job, puis qu'il est là, il est blessé. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a rien à reprocher. On avait un besoin, mais, petit bémol, est-ce qu'on avait vraiment tant de problèmes en défensive quand on a échangé Subban? Non. Mais cela, on nous l'a. Pourquoi on n'a pas essayé de nous améliorer à la place à l'attaque? Parce qu'on n'a jamais trop de défenseurs. Puis, oui, mais c'est ça, la mentalité de l'attaque. Il l'a fait à l'attaque l'année passée en signant Radulov un an. Oui, mais après, c'est pas été capable de leur GF, signer, tu dis que le problème de Bergevin, ça a commencé vraiment cet été avec les échanges. Ouais. La prochaine question qu'on lui a posée, c'est « Es-tu fier du travail que tu as accompli cet été? » Ouais. On écoute ça. Sans OK. Mais je veux, sans OK. Je déteste mettre des noms. Je pense que tu comprends la raison parce que des joueurs que tu mentionnes sont dans le vestiaire. C'est certain qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur des attentes de l'organisation. Puis je vais aller juste même à dire leurs attentes à eux-mêmes. Le nom d'Emski, tu viens de mentionner, il y a cette partie que je ne sais pas, là, il y a eu un petit Emski. Début difficile, mais encore là, juger sur une saison complète, c'est difficile. Dans le cas de Carl, je pense que lui-même, il va te le dire que le mieux est devant lui non, et non pas. Mario? Il n'est pas à la performance de ses attentes et de les nôtres. Mario? En exemple. Gilles. Mais, tu sais, un DG, on est 31, OK? Tu fais des choses que. Un exemple, OK? Je vais donner un petit exemple. Calice. L'échange de Drouin. Peut-être qu'il y a un petit je exemple. Je pense que personnellement, il y a beaucoup de monde dans la pièce ici qui pensait qu'il y aurait une chimie avec Max. Il n'y en a pas de chimie. Oh, c'est assez clair. C'est pas la faute à personne. Mais c'est une réalité. OK? Damn. Alors, wow. Est-ce que, ça, comme DG, j'ai fait des erreurs? Oui. Oh. Il l'a admis. Est-ce que j'ai fait des bonnes choses? Oui. Il l'a admis. Mais c'est ça, les réalités d'un DG. Tu vas faire des. T'essaies d'en faire le plus possible de mieux que des mauvaises. C'est vrai. Français, puis, quand tu fais une transaction, tu n'as pas une boule de cristal, puis il y a toujours un risque. Mais dans l'ensemble, je suis confiant, puis je suis fier de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, puis on va continuer dans la même direction. Ah, non, c'est, bon. C'est là le problème. Ben, attends, ça dépend qu'est-ce que tu fais. Il y a pas le choix. Mais au moins, il a brisé la cassette. Là, au mais moins, là, mais là. À coule pas. Parce qu'on vient juste de dire. Eh oui, exactement qu'est-ce ça. Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait, puis là, il vient de le faire. Puis je l'avais dû pas l'écouter fait avant. C'est-à-dire qu'il a dit que c'était ça. Non, mais ça faisait un bon show. Ben, là, deux ans, quand que ça allait pas bien, puis qu'on a perdu Carey Price, il l'a admis, il a pris le blâme sur lui que l'équipe n'allait pas bien. Je ne suis plus vraiment rien de ce qui se passe au Canadien parce que je m'en. Mais non, mais là, deux ans. Tu fais ici d'abord aussi. Mais non, mais je suis. J'écoute les games quand même, mais tu sais, je veux dire, j'écoute pas le. J'écoute plus mais... les astis de conférences de ah ben presse. C'est pour ça que je fais ça pour vous autres, ça que vous puissiez l'écouter. Mais c'est correct parce qu'il faut que ça soit spontané. Parce c'est parfait. Ça, on ben spontané. C'est ça, on le but. Pour mais ça. C'est bien. Mais en mais... coule pas, il y a dit, un beau pas en avant. Il a pointé les joueurs du doigt. Il a dit qu'il y a pas. What? Vouchis. OK, chaud. T'es chien avec Dave. Ah, man. Maudit. Dave, t'as pas de décorum. Il fait son possible. Il fait son possible. Ouais, mais man, à la fin, il finit en disant que, tu sais, il a confiance. Quand non, mais hey, Mark. Hey, louez-vous une chambre, ouais, aussi. Non, ouais, ouais. Je te contrerai ça tantôt. C'est comme un enfant, genre. Fais ton possible. Okay. Mark, t'es bleu sur le bras. Ah ouais, je sais pas si c'est arrivé à job aujourd'hui. Il a bu de quoi, là. T'as l'air de Chevy Chase dans Vacances à Vegas avec la main des toilettes d'avion, là. Quand il a tout le bras j'ai réceptionné un produit chimique, asti, quelconque. Un petit peu de l'art. Du savon dans le rimoire. Ah, c'est du bleu méthylène, c'est pas grave. Non, du bleu méthylène, nice. À la fin de son segment, il dit, tu sais, mais en même temps, j'ai confiance à ce qu'on a fait. Mais tu sais, en même temps, quand tu checkes ça dans les dernières années, si je reviens à ce qu'on disait tantôt, dans les dernières années... Ma confiance n'est plus là, Marc. Non, j'ai plus confiance en Marc parce qu'il a échangé Subban quand on n'avait pas de problème défensif. Il a perdu Radulov. Il a perdu Markov. Radou. Il a fait ouais, mais André. Il s'est pas débarrassé de eux. Non, mais non, il a pas fait a pas ce qu'il fallait. Non, mais ça, il n'y a pas de contrôle quand là-dessus. Quand tu perds, Radou Love. Il n'a pas fait ce quand qu'il fallait. Tu perds, non. Quand tu perds Markov, Radou Love, il faut que tu aies un backup plan qui marche, puis tout a chié. Juste vous donner un exemple vite de ça. Je pense que Markov. Bergevin. Il a fait. Ce qu'il a fait comme meilleur move à date dans sa carrière avec le Canadien, c'est. Toutes des c'est beaux petits moves cafés, secondaires. Les petits moves secondaires, là, les petites affaires, là, les petites perles là, que tu t'attends pas, qui vont genre profondeur, on dirait ça. Ça, là, il est bon là-dedans. Ouais, mais aller chercher. Close un gros quoi, deal. Là, il aurait pu faire deal. Un gros deal avec les éléments qu'il y avait en place. Un gros deal, là, ça peut être de signer Radou. Hein. Ouais, mais si ça, c'est un gros deal. Là, je vais donner un exemple, dans le fond, pour vous faire référence au que Marc, dans le fond, il n'y a pas le contrôle ses joueurs. Imagine les Islanders de New York perdent Tavares au marché des joueurs autonomes. Ouais. Ça va-t-il être la faute du DG? Ben oui. Pas mal. C'est-tu sa faute si le gars veut pas signer avec lui? Oui. Pour tout ce qu'il a fait dans les dernières années. Ouais, c'était un DG qui est vraiment... Non, mais c'est un DG qui est imaginatif. Le DG des Islanders. Ben, ça fait longtemps. Il est là, il s'est fait repêcher Tavares. Bon. Fait qu'on s'entend-tu qu'il y a eu des hosties de up and down dans les Islanders dans les dernières années? Là. Ben oui, ils ont été plus vendants que up. C'est ça. Je pense qu'un moment donné, Tavares peut se dire « J'ai le goût d'aller avec une équipe qui... » une équipe gagnante. Mais en tout cas, faut je veux changer d'air. Oui, mais si tu as envie de changer d'air tout ça, ben tu sais, tu fais le trade avant que son contrat soit terminé et oui. Tu vas chercher des gros mais assets c'est année, pour ça. C'est là. Cette année à c'est ta, ça, à exactement. Limite. Fait que, tu sais, c'est là qu'on va voir c'est quoi, parce que les fans s'attendent. Tu sais, tu dis, non, c'est pas vrai qu'on va perdre Tavares. Si Tavares joue encore avec les Islanders cette année, ben si tu t'entends cette année. Avant la date limite, c'est parce qu'ils vont soit s'entendre ou ils vont prendre un hostie gros gamble. Mais avoue, mais un peu comme Tampa Bay a fait avec Stamkos, ça avait failli être ça. Mais un exemple de joueur autonome, dans le fond, qui a crissé son camp de même, Daniel Alfredson, qui a passé presque toute sa carrière à Ottawa, quand il était dû pour renouveler, il a collé son camp à Détroit. Ouais, mais... c'est ça la faute du DG ou la faute? Il voulait gagner une coupe, man. Ouais, parce qu'il y avait plus de chances. C'est ça la faute du DG si le joueur veut aller ailleurs? Non, on s'éloigne du sujet. Quand tu fais un move de même, c'est le gars a donné sa carrière à toi pour toute sa carrière, OK, à ton équipe. C'est que tu y rends un service, tu y accordes une fois, tu fais comme, je te rends service, oui, je te move. Ouais, comme d'accord. Quand que les Browns ont bougé Raymond Bourque à Colorado. Ah, mais ça, c'est un contexte qui était différent parce qu'ils l'ont échangé. C'est très similaire. Non, il était joueur autonome à Alfredson de Bourque, ils l'ont échangé. Non, on va revenir au sujet mais Alfredson était en fin de carrière, il savait. Ça, j'ai bien aimé que Marc dise que Drouin avait aucune chimie avec Pacheco. Ben, c'est très rare qu'on entend des noms sortir de même actuels des gars qui jouent. Mais Chris qui patine, là, puis il joue dans l'eau chaude encore. Je vais donner un exemple. Après ça, mais là, ce que je comprends, c'est que ça a été sa déclaration croustillante jusqu'à maintenant. Sa déclaration croustibate de la soirée. Quatrième extrait, on lui a demandé s'il avait peur pour sa job. On écoute. Un autre, François, je suis content que tu me poses sa question. Écoute, la journée que j'ai pris le siège de DG à Montréal, comme instructeur, la critique vient avec. Okay? Que ce soit Claude Julien, Michel Therrien, Jacques Demers. Jacques Demers. Pierre Gauthier. Écoute, c'est. Moi, j'ai pour être dans la chaise que j'ai, ça prend la peau épaisse. Puis crois-moi, j'ai la peau très épaisse. La peau épaisse. Je suis conscient qu'il y a. Peut-être des personnes dans ce pièce qui critiquent, mais c'est correct, c'est un niveau professionnel, puis j'ai aucun problème avec ça. Parce que je pense qu'au niveau personnel, je pense qu'on est toutes des bonnes personnes, puis on va tout le bien de l'organisation. Alors, moi, mon focus est sur l'équipe jour à jour, à court terme et à long terme, et non pas sur rien d'autre. Bon. Il a quand même fait un genre de mea culpa avec les journalistes. Il dit on est tous des gars professionnels. T'sais, il sait que ces gars-là, genre, ils blassent tous les jours. Mais là, finalement, c'est quoi qui dit Attends un petit peu. Ouais, ben c'est carré, ben parce que c'est bonne guerre. La vidéo de ça. Tu suces Bergevin à côté dans la panne, mon gars, le gorgoton de frissé, man. Ouais, man, ton mascara, c'est vrai cool. c'est ça qu'il a fait. Ah, man, toi, man, c'est incroyable, là. C'est la bave, là. C'est cool. Non, face, neck and chest, pis tout, là. Oh, mon Dieu. Comment ça? J'ai plein de bave qui me coule. Tu bois ses paroles, mon gars, là. C'est comme une fille. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a de mal dans qu'est-ce qu'il dit, honnêtement? Les commentaires qui s'en venaient là. Il n'y a rien de mal de qu'est-ce qu'il a dit. Il a raison. Non, il n'y a rien de mal. C'est juste que tu es retombé, que tu as perdu ton sens critique. Tu es plus capable de dire rien de négatif de Bergevin. En fait. Ben non, je suis capable de dire des choses de négatives. Non, tu n'es pas capable. Non, tu n'es pas capable. Va dans ta chambre. Va dans ta chambre. T'es comme Bergevin. T'es dans le gros colis de la vie. Il fait son possible. OK, prochain extrait. Il n'y a rien fait cet été. T'es en punitance. Va tasser dans l'itière du chat pour deux minutes. Prochain extrait, Jeff Explosive. C'est une question de Quentin qui a demandé à Bergevin c'était quoi son plan. Quentin? Écoute, je vais te monter des petits exemples. Okay, Montre-les. Fait que peut-être que ça peut clarifier des choses pour vous. Vas-y. Je regarde en arrière, OK? Tu mentionnes les trois dernières années. L'absence de Carey Price, je crois qu'il... a été blessé le 25 novembre. On a survécu peut-être pendant deux semaines. Au début décembre, on a commencé à avoir une petite drop. À cette époque-là, on était, je pense, deuxième au classement général. On a manqué les séries. Puis à l'époque, j'avais dit comment la blessure de Carey nous avait fait mal. Puis c'est certain que nos partisans, puis plusieurs d'entre vous ne veulent pas l'entendre, puis je comprends très bien, mais ce n'est pas une excuse. Souvent, il y a souvent des choses qu'on pense c'est une excuse, mais c'est une réalité. Je regarde Tampa Bay en ce moment, comparé à l'an passé. Ils ont manqué Steven Stamkos la majorité de l'année. Ils n'ont pas fait grand-chose cet été, mais Steven est revenu, ils sont en tête de la Ligue nationale. Alors, encore là, ça ne prend pas grand-chose pour changer une équipe de l'autre côté à l'autre. Je pense qu'on a des jeunes qui poussent, qui s'améliorent malgré notre moitié de saison. Lekkanen, moi, je vois beaucoup de petits détails dans sa partie qui aide l'organisation, qui aide l'équipe. Charles Hudon, des hauts, des bas, mais il a montré des bons côtés. Il travaille toujours. Puis il est encore jeune, il pousse. Ouais. Sherbach, depuis sa blessure, qui est revenu, que vous voulez je pense qu'il s'en va dans la bonne direction. Alors, il y a beaucoup, le jeune Mété, Charlie Lindgren. Alors, on a beaucoup de jeunes qui poussent. Je pense que c'est ça qui va faire la différence avec l'organisation. Mais encore là, la parité est tellement mince que c'est difficile d'évaluer. Pas d'évaluer, mais de prédire. Tout est beau, tout va bien, tout est correct. Des promesses. Mais non, là, c'est pas ça, c'est pas ça mais, qu'il mais dit, là, on peut pas juste blâmer non plus Bergevin en tout. Parce que là, Dave, t'as fait un commentaire que oui, je suis d'accord. Mettez plus que 10 minutes de mettez temps. Si glace, tu calice, le fais jouer dans, si tu fais jouer dans tu le show, ramènes, ouais. Si tu le fais jouer dans le show, puis tu le ramènes d'une expérience de junior, puis tu lui donnes 10 minutes par game, t'es un tata. Fait que ça, c'est fuck un, ça, c'est du mauvais coaching, par exemple. Je m'excuse, mais ben tabarnak, c'est sûrement pas Joe Morrow, calice, qui fait mieux. Puis c'est parce quoi, que je m'aime pas Morrow depuis que. Sérieusement, là, mettez quand il se déplace dans sa zone avec le puck, c'est le gars pour relancer l'attaque qui a le plus de speed. Mais justement, qui est le meilleur le patineur problème, en défensive. Mais notre défensive, là. À ça qu'en relance. À pas de relance. Mettez, c'est ça. Notre offense en défensive, à ça solide, man. Ce que Souben nous apportait, là, on n'a plus. On n'a plus rien, on n'a plus fuck-off. On avait Markov, on avait Markov, man. Puis on a perdu deux en même temps. T'as perdu Markov, puis deux souvent dans un collapse ans de temps. Fait que deux c'est en deux ans. T'as pas signé Radu cet été, là. Ben, ça, l'affaire, c'est pas Weber qui l'affaire avec l'absence. Mais c'était ça le but. C'est ça le but quoi? De signer Markov. C'est pour ça qu'on a un tour, parce que Markov, il a décidé à la KHL. Non. On n'a pas voulu donner l'argent à Markov qui voulait. Non, Markov n'a pas voulu avoir le contrat qu'on lui a offert parce qu'il voulait, il a refusé les bonus pour mais avoir c'est, ça. Mais Markov, c'est senti insulté aussi. Mais apparemment, c'est la même chose que ce qu'on dit. OK, mais toi, tu le mets à l'avantage du Canadien. Ouais, mais moi, l'autre théorie, c'est que le Canadien a jamais voulu re-signer Markov. C'était dans le plan. Il a négocié trois fois avec. C'était sorti dans les médias en Europe que Markov, il s'était senti insulté par le club. Puis ils ont posé la question à Bergevin. On veut plus ce qu'il a à dire. Si c'est plate qu'on n'a pas respecté, parce qu'une chose que l'organisation du haut en bas, on a toujours respecté André Markov, puis c'est plate qu'il a senti comme ça. Mais je suis convaincu que s'il y a eu un agent, ça aurait été... Il n'aurait peut-être pas senti la même chose. Oh, c'est dommage parce que. Ça, c'est une attaque personnelle. André, ça. Comme je te dis, il a passé sa carrière à Montréal, puis on a beaucoup de respect pour lui. Puis qu'il sente ça, je trouve ça plat. Ça, c'est vraiment pas notre but. Ça, c'est personnel de dire. S'il y avait eu un agent. Ben, il a raison, ça aussi. Non, je suis pas d'accord, man. Ben oui, il l'a pris personnel. Non, c'est quoi? Apparemment que Montréal, mais écoute, ça c'est. S'ils l'ont lowballé, ça se peut que ce soit sans insulter. Je pense pas qu'ils l'ont lowballé. On lui a donné un contrat. Non, mais espérait que Markov, il voulait plus dans le vestiaire. Non. Il voulait plus de lui. Apparemment que c'est ça. C'est que Markov, il était pas dans les plans de Marc. Le général. Non, à partir du moment où tu n'as pas mais signé. Mais tu te dois de le remplacer. Tu dois de signer Markov. T'as pas le choix, man. T'as pas le choix. Check les noms. C'était pas ça le plan si on peut le signer parce que Markov, il voulait jouer à Markov. Il voulait jouer où, Markov? Il voulait jouer à Montréal. Si tu lui donnes le cash que toi. Tu l'as le cash. C'était sûrement pas genre 3 millions de plus. Non, mais le problème, il faut faire attention. On s'entend-tu que c'était probablement une coupe de 100 000? Non, c'est ça, mais il faut faire attention. C'est le nombre d'années qui faisait une différence. Il était prêt à prendre. Hey, le nombre d'années. Il a dit ça à la fin, Chris. Hey, si t'as resté Marco pour 2 ans, 6 millions par année, puis que l'année prochaine, là, il joue comme un trou. Comme, tu sais, il aurait vraiment ralenti. Ah, il serait-tu vraiment à pic? On aurait un. Non, mais c'est parce que dans le fond, Markov, il est parti à la dernière minute. La raison pour laquelle on a lousse, là, c'est parce que cet argent-là, c'était pour Markov. L'argent était pour lui, mais Markov a préféré aller dans le KHL. On dit la même affaire, Mallette, mais c'est ça le problème. C'est que toi, tu le dis à l'avantage du Canadien. Ouais. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est ça, mais j'ai la misère à croire que Markov voulait vraiment jouer à Montréal. Est-ce que tu penses, toi, vraiment que c'était une question de cash? Parce qu'on parle pas de genre. Une question de durée de temps. Mettons, là, on est dans 5 millions que, probablement, avec Markov. Markov voulait 6. On est dans 5-6 millions. C'était pas. Il demandait pas 8, là. Hein? Il demandait pas 8. Fait que tu lui donnes genre 250 000 de plus que tu voulais c'est donner. C'est quoi notre deuxième plus gros salarié à l'heure? Juste pour te clarifier ça, là. Ouais, Weber, c'est ouais. Weber le plus haut. Non, le plus haut, le deuxième. Petrie. Ça doit être Petrie ou Alzner. Markov, ça s'est arrêté le deuxième parce qu'il était payé 5,75. Bon, OK. OK. Mais admettons, là, Alzner puis Petrie, ils gagnent 5 millions par année à peu près. Alzner gagne 4,1 puis Petrie gagne 5,75. Moi, je donne 6 millions pour un an. Sérieusement, lui, parce que. Pour 2 ans. Ouais, mais t'as peu. Ouais. Donne 12 pour 2 ans. Dans ces deux gars-là. Plus pour un an. Hey, Mallette, dans ces deux gars-là, là, que t'as nommé, là, Alzner puis Petrie, il n'y a personne qui est capable de faire qu'est-ce que Markov fait en termes de relance. Non, c'est sûr, parce d'attaque. Que c'est pas le même profil de joueur. Non, c'est pas le même mais, profil, mais c'est Petrie, ça, mais on le voit. Petrie, il est supposé être un joueur offensif. Ouais, mais il est pas capable. Il sort de la misère. Il jam, là, il y a comme des break freeze, ce gars-là. Le contrat qu'on lui a offert, dans le fond, c'était exemple, mettons, autour de 4 millions avec Bonnie pour le nombre de matchs qu'il jouait. Pour le nombre de points puis pour une participation en série. Markov voulait pas les bonnies. Il voulait avoir un 6 millions clair pour 2 ans. ça a négocié. Après ça, le Canadien, il a dit OK, good, je vais le prendre pour un an. Ça, selon qui, cette information-là? C'est l'information qui est coulée selon plusieurs insiders, Bob McKenzie, TSN. Il y en a plein d'autres informations qui disent pas la même affaire. Il y a d'autres sons de cloche qui disent que Bergevin voulait pas. 99, les informations, ils prennent ça dans une boîte à Cracker Jack. 99, avec les insiders, genre réputés, que ça fait 25 ans qu'ils sont là. Tant qu'il n'y a rien qui est tes insiders que toi, t'aimes. Non, mais la majorité des Canadiens qui demeurent au Canada aiment, genre. Non, c'est pas que c'est pas clarifié que c'est vrai, c'est des spéculations. Autant toi parce que moi, les autres, c'est toutes des spéculations. Parce que moi, Mallette, il y a eu trois meetings. Ça, Markov, il l'a admis. Parce que Mallette, tes insiders, que tu name drop, il y a de la contre-expertise. Il y en a d'autres qui disent une autre affaire que Bergevin voulait plus avoir ce gars-là dans son vestiaire. Non, c'est ça, mais là, c'est parce qu'il parlait de racisme envers les Russes que j'ai la misère à croire. Non, ça, c'est n'importe quoi. Bon, la parole est finie, fait qu'on finit avec un mini-extrait de comme 10 secondes de Bergevin par rapport à s'il va faire des moves pour améliorer l'équipe d'ici la fin de la saison pour faire les séries. C'est l'extrait numéro 8, voilà. Ben écoute, encore là, dans le monde idéal, on va chercher le centre numéro 1 franchise, mais on sait tout. Ça arrive probablement pas. Ah, c'est drôle, ça, Marc. Mais merci de rire en disant qu'on n'aura jamais notre numéro 1. Ben, parce que c'est ça que les journalistes veulent avoir. C'est ça que les médias veulent avoir. Mais cette année, il fera ben pas non, mais beau, ça donne rien de faire ça pour les séries cette année. Mais pourquoi tu dis ça? T'as pas d'affaire à dire. C'est parce que les journalistes pensent que ça se fait en claquant les doigts. Mais non, c'est lui qui dit ça parce qu'il est demeuré. Mais personne peut le faire cette année. Je pense qu'il va falloir t'expliquer quelque chose. La vie, en général. Les médias, là, juste pour ton information, la manière que ça fonctionne, c'est que pour faire de l'argent, faut qu'ils vendent de la pub. Pour vendre de la pub, faut que tu aies un auditoire. Pour avoir un auditoire, faut que tu dises un peu de la marde. Fait que tous les journalistes ont un boss, OK, qui dit toi, ce que tu dis là, j'aime ça, tu t'en dis de la marde. Ça me rapporte des pubs. Puis les pubs, ça me rapporte de l'argent. Fait qu'il faut qu'ils en disent de la merde. Ils n'ont pas le choix. Ça marche de même. Fait que si quelqu'un dit de la merde, tu vas répondre comment? Ben, tu dis juste pas ça. Ça donne rien parce qu'ils essayent justement de faire ça. De faire dire de l'hostie de merde pour remplir leurs liseurs, écouteurs, astis, ouais, lecteurs, c'est là qu'il faut faire attention. Parce que marde, la marde qu'ils vont écrire, c'est « Ah, Bergevin, il n'est pas capable de faire de grosses transactions. » C'est ça qu'ils vont écrire. « Ah, il n'y aura pas de joueur de centre cette année, il n'est pas capable. » C'est ça qu'ils pensent que... On le sait, ça, mais pourquoi? Il n'y a pas juste... OK, c'est parce que le problème, là, c'est à Bergevin, ce qu'il faut y reprocher en tant que tel, c'est pas juste, mettons, ce qu'il fait pas comme échange. C'est tout ce qui se développe pas. Pourquoi t'as-tu des joueurs, toi, dans l'environnement du Rocket que tu dis hey, « Lui, man, là, ça s'en vient, là. » Ça va être tout qu'un joueur. Non, parce qu'ils sont tous avec le Canadien présentement, mettons. Ils sont tous avec le Canadien. C'est ça, puis ils n'ont pas d'avenir. C'est qui le joueur d'avenir, de premier là. Plan qui vient des Rocket? Ou alors, de Udon. Présentement qu'on Udon. A. Ben, Udon, c'est le premier plan. Il Udon. Le de premier plan. Ben, OK, premier plan, tu veux dire un top 6, là. Quelqu'un, là, qu'on ouais, a repêché. Udon, c'est le meilleur joueur. Yes! Lui, là, on l'a repêché. Non, parce que la majorité de ces joueurs-là font déjà le club en partant. Ben là, à date, c'est Udon. Tu sais, on l'a repêché, puis je trippe, là. Ben, Udon, moi, je trippe, là. Oui, mais tu tripes parce que c'est un gars qui travaille. Puis je non, mais toi, dire, tu veux un gars qui va faire 30 buts, 30 passes, 60 soins. Tu parles d'un superstar. Ouais, mais les top ben, guns. C'est un top gun. Ben, un joueur d'importance, man. Ben, un joueur franchise. Un joueur de premier plan. Donne-moi un exemple de joueur d'importance pour toi. Là. Ben, vite, vite. Il y en a plein, man. Non, mais donne-moi en un, juste pour qu'on puisse avoir une échelle. Non, mais là, tu parles-tu d'un first pick, toi, non? Tu parles un qui fait pas la Ligue américaine, genre? Non, mais il n'y en a pas dans le Rocket que tu regardes, t'es comme ouais. Puis que les gens y en font. Ben, il y a Udon, ça a même appris de temps avec Udon, oui. Udon, il y a fait quoi, deux, c'est quoi? OK, on a pris Udon. Le Farm Club est vide, calice. Il ne reste plus rien en arrière. À part Udon, c'était ça. Udon, c'est le top of the line. Nos choix, là, c'était quoi? C'était Udon, de la Rose. Combien de temps? Voyons donc. C'est tout à non, mais c'est ça, mais donne-moi un joueur d'importance. Non, mais McAaron. Juste pour mesurer un joueur d'importance, c'est quoi pour toi, maintenant? J'ai pas de nom qui vienne de même. Mais là, ben Chris, il doit une pelletée, c'est sûr qu'il y en a. Mais donne-moi ça un de Boston. T'es capable de m'en donner, là, c'est sûr, toi. Non, mais c'est parce que ça dépend à quel niveau. C'est pour ça que je veux savoir. Mettons Boston, un joueur d'importance pour eux autres, c'est quoi? Ou Ottawa, mettons une équipe à côté. Ottawa, c'est quoi leur joueur d'importance pour toi? Donne-moi un joueur d'importance dans le club d'Ottawa. 7. Ben, non, il mesure. C'est un joueur d'importance. Là, 145. Ben oui, mais tabarnak, un joueur d'importance. Dave, c'est pas dans la Ligue américaine qui va jouer, c'est dans la Ligue nationale en partant. Mais c'est quand le dernier qu'on a eu? C'est Galchenyuk qui a joué, il a fait le club tout de suite. Ouais. Galchenyuk, il socle la vieille petite bitch. Galchenyuk, il, ça tombe trop du pot un peu. Il est trop occupé avec son père et sa soeur. Ben c'est ça, mais après ça, d'un joueur d'importance comme tu dis... Je l'aime, Galchenyuk, mais tu sais... Non, c'est ça, mais Dave... Ça fait 6 ans quand même. Un joueur d'importance, comme tu dis, là, on va avoir la chance d'en repêcher un cet été. Si on continue comme qu'on est là. Tabarnak. Il faut continuer. Les teams se bâtissent-tu, toutes les teams de la Ligue nationale se bâtissent-tu avec des joueurs qui sont repêchés? Ah, toutes des teams différents. C'est-tu des teams qui sont bâtis à partir de joueurs que la première saison là, qui sont repêchés font la Ligue nationale? Non. Non, mais des bonnes équipes, il y en a tous sur un. C'est sûr. Donc, les bonnes équipes, il y en a tous sur un. Donc, oui, mais ils bâtissent avec des joueurs qui ont, généralement parlant, probablement repêché. Ah, on a René Fraze, c'est un succès, ça. Ben c'est ça, un joueur que tu repêches l'année prochaine, ça va être un joueur repêché. Ouais. Tu sais, la porte... Okay, est-ce que ce que je veux dire par là, c'est dans la Ligue nationale, la majorité de ton corps de team, c'est des joueurs que tu as repêchés ou c'est des joueurs que tu as été chercher ailleurs? C'est des joueurs que tu as repêchés. Donc... Nomme-moi des joueurs qu'on a repêchés qui s'en viennent dans le show. Là. Non, mais c'est parce qu'ils ont sauté une étape. Mettons, Mété, il a déjà fait le club. Udon, Mété, il a fait deux ans dans la Ligue américaine. Ben, Mété, c'est l'exception. C'est ça, il a fait, mettons, deux ans dans la Ligue américaine. Udon, c'est ça a été long en tabarnak. Là, tout le monde disait, montez-le. Ils ont fait, mettons, il a fait son secondaire 1, 2, 3. Chris, qu'on monte Udon. C'est ça, il a pas sauté d'année. Lui, il a vraiment suivi le cheminement, mettons, typique. C'est junior, deux ans dans la Ligue américaine, puis la Ligue nationale par après. Udon, qui n'est pas le plus gros gars, est un des seuls qui daigne aller chercher le puck en arrière du net puis de prendre ça des grosses mises en échec. Puis c'est qui l'autre qui va faire ça? Ah, un autre des seuls qui va faire ça? Ben, Chris, c'est délargué. Hey, c'est-tu drôle? Deux Québécois. Deux Québécois. Ah, ben ça, c'est deux Québécois. Je ramène pas l'histoire de la langue là-dedans. Non, ça, c'est une coïncidence, je pense. Anyway, après, elle est finie, on va aller faire. Je vais dire, j'appellerai pas ça une coïncidence, j'appellerai ça. Une belle coïncidence. Ah, le cœur à bonne place. T'aurais travaillé pour les services sociaux aussi. On va aller faire une deuxième. C'est le cœur, il y a le sang. Ah ouais, ah ouais, ma gang de gauchistes. Ah ouais, on se retrouve en troisième. Carré rouge, c'est en troisième période. On est retour pour la troisième période. All right. Never forget Knuckles, Nylin. Bon, OK. C'est fait. J'espère qu'on n'aura pas été poursuivi pour des copyrights. J'ai un bet pour vous autres, les gars. Ouais. OK. Plekanec. Moi, je vous dis qu'il se fait échanger pour un choix de deuxième ronde ou plus. OK, mais tantôt, là... parce que là, tu as des amis, toi, dans le chat, hein? C'est ça qui... Non, mais j'ai Louis-William Gagné qui est d'accord avec moi. Là, ouais. Mais c'est ça. Plekanec, il se fait échanger à date limite le 26 février pour un choix de 2 ou plus. Si ça arrive, vous me payez à la bière pendant le show. Ça coûtera pas cher, let's go! Ben c'est ça, c'est un win-win. C'est bon, c'est bon. Et puis si c'est jamais il se fait échanger pour un choix de 3 et plus. Ou moins, ouais. Okay, je vous paye la bière à tout le monde. Mais s'il se fait pas échanger... Je vous paye la bière pareil. Ça marche puis aussi. Puis s'il se fait signer 2 ans, 14 millions à Montréal vers Bergevin, non, c'est pas pareil parce qu'il va être fini. Vous allez déjà avoir gagné. Je veux qu'on me fasse couler une statue en bronze. Si, là, il se fait signer un contrat, genre 2 années de plus. À genre avant date limite, là. Avant date limite. Là, je vous dis. Mais là, genre, tu payes la bière jusqu'à la fin de la saison. Fuck. Mais en tout cas, mais là, oublie cette partie-là. L'autre bête, là, j'aime pas. S'il fait ça, sérieusement, moi, je fais la saison complète avec un t-shirt des Maple Leafs. Puis c'est la bière de votre choix, c'est la bière de votre choix là, où vous un magnum de ouais, ça va tout être la micro, man. Je veux un magnum de champagne. Puis moi je vais prendre une caisse de 6 de Modelo. Moi, je vais être content. C'est bon. Sortez-moi le bon. Toi on le sait, tu te contentes de peu. Ben, je vais être content. C'est win-win. Ça me coûtait vraiment cher pour vous. Les microbrasseries qui nous écoutent là, on veut d'autres choses que de la Modelo. Là je pense que ton frère va être présent cette journée là que on va s'arranger. J'accepte le bet. Je suis sûr qu'Alex accepte le bet. JF accepte. Mon frère accepte, moi aussi. C'est bon. Ah, parce qu'une caisse de Modelo à 5 coûte pas cher. Là. Et sur ça, on va aller faire le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. Ça va coûter une pièce chère. Et puis sa transition une de feu. Demi. Genre. Deux. C'est plusieurs sujets, puis on va finir sur un dossier de Jeff, là, parce que Jeff, il prépare des dossiers. Fait que... Puis Jeff prépare aussi le pacing. En tout cas, Jeff fait tout de suite. Fait qu'on va lire ce que Jeff a mis. La fin pour Jagr à Calgary, pour l'interrogation. Ouais, Jagr qui est présentement blessé, là, s'est rendu. Il a juste joué 22 matchs avec les Flames de Calgary, puis il a une fiche de 1 but 6 passes. Fait que le c'est DG... triste, on pensait qu'il allait se rendre vraiment dans les records. Là, ben écoute, c'est ça. C'est dur, il est à 35 matchs les du genoux, record. Là. Ah, ben 35, il pourrait le faire. Là. Puis là, son deux, combien? C'est 1767 matchs, le record de Gordie Howe. Puis là, le DG il a donné la permission à Jagr de discuter avec les autres clubs pour voir si, mettons, il y aurait un intérêt à quatre parts pour l'échanger Montréal. Par la suite. ben pour finir la saison, tant qu'à ça, ben ouais, je veux avoir un spectacle. Ah, ça serait hot, man. Il fait finir aussi son record ben, ici. J'ai comme faudrait. L'impression qu'il reste 35 matchs, je parle de record. J'ai comme l'impression qu'il n'y aura peut-être pas le temps de le faire cette année. Il est blessé. Fait que d'après moi, il n'y aura pas le choix de signer peut-être un contrat de 10 jours. Mais genre. Dernière juin de l'année de transaction, Montréal. Si fuck, on va te faire jouer, tu vas prendre ça relax. Ouais, mais c'est pas un peu pathétique. Pour la saison qu'on dirige, je sais pas. Tu sais, l'équipe qui voudrait l'avoir pour dire. Ah, il va finir ça. Tu sais, les Knights de Las Vegas pour aller le chercher, genre. Ouais, ben, eux autres, ils se battent pour une place en cette année. Ouais, là, mais eux autres, sont genre comme ils se battent pour le premier rang de la ligue. Non, ils sont à je deux sais, points. Mais non, pis c'est pas, ça. Non, le psychologue à Jagr voudrait pas qu'il y ait à Vegas, là. Le psychologue. Ouais, il va tout okay, perdre. Non, mais pas les Knights, mais je veux dire, il n'y a pas un. Il va tout perdre, il va falloir qu'il joue encore 10 ans. Il y a pas une pour s'en refaire. Mais tu sais, il n'y a pas une équipe qui descendrait assez bas pour dire, comme, on va lui donner le record, nous autres, on va lui permettre d'avoir le record versus, comme, on veut gagner des games. Tu sais, genre. Mais moi, si je serais Pittsburgh, j'y donnerais. Parce que quand ça arrive. C'est quoi, si tu donnes un. Non, mettons, début de saison, l'année prochaine, genre, signer un mois. Tu signes un mois pour faire son record. Mais non, on ne crée pas des mercenaires, les clubs, la Ligue nationale. Mais non, mais rendu là, parce que le gars, je pense qu'il a de la misère à toffer. Là. Si tu viens faire ton t'sais, record chez nous, quand avec la fiche qu'il y a, je pense que le gars, il, ça doit être tough un quand même. Un là, joueur lui, de location pour le dernier stage. Moi, je pense qu'on un va prendre de location, mais pour les 20 premiers matchs de la Ligue. Ouais, c'est ça. Juste partir le club à tirer des billets. Mais tu sais, Crosby, je suis sûr qu'il serait capable de produire un petit peu, mettons. Mais il mettrait pas Crosby. Non, ça, c'est sûr parce que Crosby, il faut qu'il traîne dans ses épaules. Moi, j'échangerais Phrase pour oui, mais ouais, ça finirait Pittsburgh sa avec les Rangers, ça serait cool. Ouais, plus Pittsburgh Freeze. Parce que me semble, tu sais. Ouais, ouais, je suis avec Mart, moi. Pittsburgh, c'est cool. On envoie Jagr contre Freeze. Freeze, ouais. Ah ouais, pourquoi pas. Rendu. Contre Freeze. René Rancourt se retire à la fin de la saison. Alex fait dire God damn, t'es à peu près temps, Calis, il est pourri. Ça qu'il a dit sur Instagram. Alex a dit ça. Qui ouais. ça, à propos de René Rancourt à Boston. Hey, qui va ah, il est fini. Du one. Hey, fin de la saison, c'est terminé. Il prend sa retraite. Fucking done, man. Je suis comme pas d'accord avec les commentaires d'Alex. Mais c'est pas que. Malgré que je. Non, je pense pas. C'est un Franco. Hein, il est débile, lui. Je le trouve incroyable, moi. Moi, je vois tout. Vieux même si je l'ai haï, je le trouve incroyable. Vieux Chris de débile avec son nez mauve. C'est là, ça, c'est une icône. Ouais, mais c'est parce que t'en as plus. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On aura plus du comme ça. René Rancourt pour Boston, c'est comme genre l'orgue à Chicago. Ça fait depuis 76 qu'il fait ça à Chicago. Depuis 76 qu'il chantait les messages à Boston. Puis il chante mal, là. Oui, c'est pour ça que moi, à chaque fois qu'on joue contre Boston dans les séries, j'écoutais pas Ligue nationale à cause de lui. Je suis lui. Sûr qu'il a tout le temps chanté mal. Ah, moi, je l'aime. J'aime le voir faire ses barrages. Là. Ouais, ça, c'est juste c'est son fameux 1, 2, 3. Ben, regarde, les autres qui ont rencontre aussi, puis nous autres, en playoff, on a Ginette Renault. Ah, puis elle a l'aide pour deux games, c'est fini. Ouais, c'est ça. La journée qui va être mort, je ferais genre un enterrement national à Boston. Tabarnak, il a même pas pris sa retraite de la Ligue nationale, t'as rien de le tuer. Mais il l'enterrait, genre. T'as rien de donner des funérailles nationales. Venir encore. Ben, pour Boston, Christian. T'as pas des funérailles nationales. National, Calis, un Ontarien. À Boston. C'est un Ontarien? Je sais pas, ouais, c'est je sais pas, quelqu'un qui a dit ça franco-ontarien. C'est Jake qui a dit ça, mais c'est René Rancourt. Non, c'est moi, ben, j'ai dit que c'est super un franco-ontarien parce que c'est Rancourt, mais c'est René Rancourt. Il doit pas parler non, de Calis de mon frère. Il doit venir du New Jersey. C'est René. Il doit venir du Lidao. Dans le cas de René. C'est un Italien. C'est un Italien. Je sais pas, je le lis encore. Je suis pas certain que je le lis ce soundboard-là. Dans le cas de René. Dans le cas de René. Là, on parle du temps à chercher les archives 2007. Dans le cas de René. Je suis pas sûr que je l'ai pour vrai. Là. Tu l'as pas. C'est pas grave. Passons à autre chose. Maudit. Hier, je me suis couché puis j'ai eu un rêve. Les nouvelles de Pierre Dagenais, mon GF. Ben oui, Pierre Dagenais, savez-vous qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? C'est un trou de cul. C'est un trou de cul. C'est rendu genre. Ben, il est né dans le travaille Maine. Dans Pan Shop. Il est né en passant. René Rancourt est né dans le Maine. Bon, c'est un gars de la Virginie. C'est un état. Mais non, le Maine. Le Maine, c'est à Plattsburgh, ça. Le Maine? Non, le Maine, c'est comme plus cool, sur le côté du Canada. Le Maine, c'est un état. Le Maine, ça, c'est-tu genre... T'as comme, mettons, l'état de New York, l'état de Vermont, puis l'état du Maine. Bon, c'est ça, je pensais. Dans ma tête, c'est dans le même bout. Bon, Pierre Dagenais, c'est ça, il est rendu tuteur. Il est enseignant pour une école de hockey à Blainville. Qui? Pierre Dagenais. Pierre Dagenais. Notre... il était fort, lui, en shootout. Ben oui, mais c'est un des membres des Tres Amigos. Lui, là, dans le shootout, là, il arrivait avec son slap shot, là, par rapport. Le pire, c'est que le premier shootout qu'il y a eu dans l'histoire du Canadien de Montréal au Centre Bell, c'était contre les Thrashers d'Atlanta. Puis c'est Dagenais qui a scoré le plus gagnant. J'étais là live. Avec un slap shot. Je l'ai vu. Non, il a fait un estime move, genre par rapport à un slap shot en shootout. À un moment donné, il le faisait, puis il marquait. C'était un des meilleurs qu'on avait à ce moment-là. Parce que le shootout commençait. Il y avait un bon shot. Il a joué 90 games à Montréal, puis à cause qu'il était dans le vice, ils l'ont collé dehors. Mais là, il est rendu comme enseignant aux jeunes enfants, puis il a fait un entrevue avec la presse. Il était aux jeunes enfants? Non, il est enseignant pour une école de hockey pour les enfants. Il les apprend à devenir professionnels. OK, fieu, calisse. Sa bonne réponse est « on s'en calisse ». Puis Pierre Dagenais, quand il y a eu la nouvelle pour Mike Ribeiro, comme quoi qu'il a retourné dans l'alcool, il l'a appelé pour lui demander de se joindre à lui pour donner des cours aux enfants. Puis Mike Ribeiro, cette semaine-là qui s'est fait pogner, genre à faire un home invasion. Il l'a appelé, mais il n'a jamais répondu. Mais dans le fond, il arrête de proposer à Ribeiro l'histoire des Mighty Ducks. C'est carrément ça. C'était quasiment ça, sauf que Ribeiro, on n'a jamais répondu son téléphone, puis il n'a jamais retourné l'appel. Il l'a perdu au bar. Fait que Pierre Dagenais capotait, puis. Dans le fond, parce que son proche, comme je disais tantôt, c'était un membre des Tres Amigos avec José. C'est qui a parti ça, les Tres Amigos? C'est pas tu parles du restaurant? Ouais. Non, mais le surnom qu'avaient les trois joueurs ensemble, c'est Caillou. Ah, Caillou les haïssait. Je pensais que c'était Drouin qui avait parti ça. Ah, je suis pas surpris. Caillou haïssait tout le monde. Ça, c'est un petit gars bien de chez nous qui va compter ses buts en français, qui va faire ses passes en français, puis qui va faire ses commotions cérébrales en français. Ah, ça a été dit. C'est ça. Ben, on pourrait dire la même chose pour Pierre Dagenais. Fait que la fin qui me fait rire, c'est que le gars a une réputation pour être dans sa boisson puis sa coke. Puis il y avait c'était obligé de nommer les drogues. Non, mais c'est vrai. Puis les barbituriques. Ça a poudre. Yeah, on est tous. Puis l'affaire qui était drôle, c'est que Dagenais, il a dit une quote là-dessus. Là, puis il parlait aux partisans, là, comme quoi qu'on exagère des fois. Il a dit là, OK, c'est 24 heures sur 24. T'as pas de temps. T'as même pas le temps de voir ta famille. T'es sur la route, tu voyages, tu pratiques, tu joues. T'as même pas le temps de faire ce que les gens pensent que tu fais, c'est-à-dire sortir sans arrêt. C'est ça que Dagenais a dit. Puis je trouvais ça un peu ridicule parce que dans le fond, je sais qu'il ment. Puis le pire, c'est que Ribeiro, j'ai déjà vu dans des bars sur Saint-Laurent. Puis le gars, c'est un esti de trou de cul, là. Qu'est-ce que c'est ça, dans des bars Saint-Laurent? T'as l'air de caller out Ribeiro Saint-Laurent? Ouais, là, ouais. Ribeiro, c'est ça, parce que ces gars-là, ça passait leur temps à se saouler. Fait que c'était ça mon affaire qui est drôle, c'est que là, je pense que Dagenais, il a appris de ces moments-là, parce que dans le fond, ça a fucké sa carrière dans la Ligue nationale. Puis là, il montre aux jeunes quoi pas faire pour avoir une carrière professionnelle. Pendant que Jeff parle de ça, il y a comme 40 bières sur la table. C'est incroyable. Un hommage à Dagenais. Ouais, et à Ribeiro. En fait, c'est un appât à Ribeiro ici. Ouais, c'est ça. C'est comme un attrape Ribeiro. On s'essaye fort. T'as des attrapes Nigo. Fait que c'était ça pour le jeune Pierre. Bon, le prochain point, c'est sur Tavares, mais je pense qu'on a parlé en masse de Tavares. On pourrait sauter son cas. Non, parce que je t'en mets un point de plus. Tavares! C'est quoi? T'avais un point sur Tavares? C'est lui qui veut parler de Tavares. Tu veux parler? Non, parce que j'avais d'autres points par rapport à ça. T'as trop d'infos. Là, jeune Tavares, OK, c'est un des joueurs de centre qui disponible cet été. Ah, le jeune Tavares. Ben écoute, le jeune Tavares, il y a 27 ans, 28. C'est bien. C'est jeune. C'est quoi ça? Ça a l'air qu'à 25 ans, cette heure sont vus. Ah, je ne savais pas. Mais en tout cas, juste pour vous venir. On dit qu'il manque de joueurs de centre à Montréal. Dans l'orteil. Tavares, on se surprenait qu'il signe à Montréal. Mais par contre, je voulais juste vous sortir une liste de deux joueurs de centre qui vont devenir autonomes à la fin de la saison. Puis je me demandais pour vous autres si ces gars-là pourraient être utiles aux Canadiens. Vas-y, on veut des noms. On va juste dire oui ou non, OK? Vas-y, pour aller plus vite. Ouais. Okay. Tyler Bozak. Non. Non. Non. Pourquoi? On a dit oui ou non. OK. le gars, il a 31 ans, 6 pieds 1, 190 de livres. Il a 24 points en 45 games. C'est un vrai joueur de centre. Trop vieux. Est-ce qu'il est meilleur qu'un des joueurs de centre qu'on a à Montréal? Oui. Ouais. Il est trop vieux. OK. Paul Stastny. Non. Non. Pourquoi? Oui. On n'a pas dit. Il n'y a pas de pourquoi. C'est oui ou non qu'on a dit quand les envoie. Donne-moi ses stats. 33 points à 47 games. Est-ce qu'il peut nous aider plus que tous les joueurs de centre combien? Du Canadien? Il coûte combien? Présentement, il coûte 6 millions, mais il va être joueur autonome à la fin de la saison. C'est ça, il va être rendu à 8 millions. Pourquoi on veut aller chercher des gars comme ça? Pourquoi on veut pas développer plus jeunes des gars qui pourraient rendre... J'aime beaucoup ce que tu vois, Dave. J'aime beaucoup. Ouais, mais c'est parce que ça prend des joueurs de la scène. J'aime comment c'est que précis. Tu me diras quand t'as revenu dans CV, Dave. La raison pourquoi je vous les proposais, c'est parce que là, dans le fond, Drouin, on nous dit qu'il serait mieux à l'aile. Puis Plekanec s'en va clairement là, cet été. Comme joueur tonneau, il va signer. Arrête, clairement, Calis, c'est rien que toi qui fabule ça. Je vous le dis. Fait que là, on a besoin d'avoir des joueurs de centre. Là, tu dis qu'il faut développer des jeunes, je suis d'accord. Okay, sauf qu'avant qu'on développe un jeune, ça va prendre au moins 3 ans. Il reste plein de ça prend des joueurs de centre au moins pour les deux prochaines années. Mais là, je vais terminer ça en disant Pleki, fin de la saison, contrat de 2 ans, 3,4 millions. Oh. Pas 7 millions par année. Hey, mallette. 7,5. C'est ça. Ben, bref. US. Mallette. Check it. Pleki va une clause US son contrat. Ouais. Ça doit aller aux États-Unis. Là, l'autre sujet, GF. Ok, c'était tes deux noms, ça. Vu qu'on va revenir aux joueurs de centre, là, c'était l'autre sujet. Je pense que je parlais de Jason. Non, mais après ça, c'est GF qui dit que le prospect numéro 1 qui s'en vient, le Dalin, là, il va être aux Olympiques. Puis on a cet intérêt à suivre Bourque, puis Maxime Lapierre, puis Team Canada. Non, moi, je suis plus l'équipe pour. René Bourque. René Bourque va être pour Team Canada. J'ai même avec Maxime Lapierre. René Bourque et Maxime Lapierre. Je vais essayer de checker. Mais je vais checker parce que j'écoute tout. J'ai pas beaucoup d'intérêt. On va se faire torche. Non, parce que c'est pareil dans toutes les équipes. Brian Junta, c'est capitaine des States. Non, pas les Russes parce que ça, tu dois avoir les gars de la Ligue nationale. Non. Ah, ils ont les AKHL en Russie. Mais c'est pas grave. Tous des joueurs de la AKHL peuvent jouer pour d'autres équipes. Il y a des joueurs de la AKHL qui viennent d'ailleurs. Ouais. Puis les joueurs de la KHL, ils jouent dans la KHL. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas de premier niveau. Hey, attends, c'est pas fait ça, les joueurs de la Russie. Ouais, là, c'est pas fait encore, cette équipe-là. Il n'y a, pas personne qui joue pour l'équipe. Premièrement, la Russie peut pas être présente aux Olympiques. La Russie peut même pas être présente. Mais attends un peu, là, ça dépend encore parce que c'est ceux qui ont testé positif. Ça se peut que ça change. La Russie, pour l'instant, sont pas aux Olympiques. C'est confirmé. Si les joueurs russes veulent participer, probablement, il faut qu'il y ait l'accord de la KHL. Puis après ça, l'équipe, ça va être les athlètes qui représentent la Russie. Ça va être ça, l'équipe. Ils n'auront pas le drapeau de la Russie. Puis les Olympiques, c'est dans 3 semaines, l'équipe n'est pas formée encore. Fait que. Markov s'est tiré une balle dans le pied pour pouvoir réaliser son rêve. Ben oui, il n'a jamais rien fait aux Olympiques, lui, Markov. Non. Entre fait autres. Que... Fait ben là, il aurait pu gagner tout. Fait que médaillé, fait vraiment, tout ça pour dire que le Canada n'est pas si mal barré que ça. Je pense pas qu'ils vont gagner. Mais il y a quand même René Bourque dans leur rang. Je pense pas qu'ils sont si mal barrés quand même. Fait qu'on n'est pas pris. On va voir le calibre quand ça va commencer. Pour les intérêts. Je ne l'ai pas pris, mais avez-vous vu la photo de Nathan Beaulieu avec ces genres de dreads de fif, là? Non. Ok, Mike Commodore a niaisé. Ah, c'était cœur. Qu'est-ce que c'est ça, il s'est fait faire ça? Il est dans le sud. Ah, il est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il a fait de faire ça? Le bon Seb Brutal va être content. C'est son prospect numéro 1, Beaulieu. Check, il est bien explosé. Oh, il a juste son information. Il est bien explosé d'un rave. Avec les sabres? Je pense qu'il y en a 7. 4. Ah, ok, c'est moins que je pensais. Salut Seb! Mais Mike, juste la photo que Jeff parle. Je la mettrai sur notre Facebook. C'est ça, mais juste la photo que Jeff parle. Mike Commodore a tweeté, genre, il a comme quoté son tweet. Puis il a dit, You look like a fucking loser. C'était ça son tweet à Mike Commodore. Mike Commodore, c'était drôle. C'est dans quel contexte il s'est fait faire ça? Ça donne rien de le marquer sur Twitter. Non, mais oui, parce que Mike Commodore est divertissant et ça fait partie de ça. C'est juste ça qu'il fait. Il fait juste se troller du monde. Ben non, il mérite ça. Ah, il est hot, c'est le meilleur. Mike Commodore est carrément bon. Il a les meilleurs tweets NHL. Il est drôle en Christ. Avant, t'avais Bissonnette, genre. Oh, mais il est quand même. Il n'y a pas de Bissonnette, il a arrêté d'en faire. Ah, il est dégueulasse. Bon, il y a des beaux cornrows. Il reste comme même pas 4 minutes. Avoir, fait qu'on va couper les sujets. JF, t'avais. T'avais un dossier. Paul, dossier Paul, David Sean Poyle. David Poyle. Je vais aller le dire parce qu'il reste quand même pas 5 minutes. David Poyle, Sean Poyle. On s'attend Sean Poyle. Là, dans le fond, je vais juste vous parler de. Genre, rendre hommage à David Poyle. OK. Rendre hommage à David Poyle. Oui, ça fait 20 ans qu'il va être DG des Prédateurs de Nashville. Puis je pense que la majorité du monde pense que David Poyle, c'est un des meilleurs DG de la NHL. Je sais pas si vous êtes d'accord avec cette affirmation-là. David Poyle. Je suis pas d'accord. Mais dans le fond, ça fait ni chaud ni froid. Je m'en calisse un peu. Comme dit Sean Paul, ça met Gosselin. Mais c'est les infos de JF. Mais là, c'est ça. David Poyle, c'est considéré comme un des meilleurs DG de la Ligue nationale selon plusieurs experts. Et partisan. Bob McKenzie. Mais je vais faire un survol de sa carrière, vu que ça fait 20 ans qu'il est dans la Ligue nationale. Parce qu'on s'attaque que les Prédateurs. Les Prédateurs, aujourd'hui, le monde je pense que c'est dans les favoris pour gagner la Coupe. Ah, oh, ben, dans les prochaines années, probablement. Là. C'est ça. Ils, ont ils sont dans la fenêtre. Ils sont en plein. Ah, la fenêtre est ouverte. Un châssis est ouvert. Alors, avec le beau piqué. Quand que David Paul a été nommé, quand l'équipe a expansionné en 98, les joueurs. Les noir. Là, les gars, je vais juste parler, puis vous allez pouvoir commenter vas-y, après. Parle. Okay? David Poil. Donc, parle par ça, c'était aussi genre comme un warning. Genre fermez vos non, mais c'est parce que sinon, on va finir à 10h30. Là. Ben, okay. Déjà ben on va finir à 10h30. Okay. Les joueurs les plus connus qu'il y avait avec les Preds au moment qu'il y a eu le repêchage d'expansion, c'était Sébastien Bordeleau, Andrew Brunet, Joël Sébastien Bouchard, Bordeleau. Bob Gunner, Kimmo Timonen, Jean-Jacques Desgnaux faisait partie de la première Kimmo équipe des Preds. Hey, JJ Desgnaux pour quoter encore ce brutal qui aime bien JJ Desgnaux. Je sais qu'il l'aime. Puis Thomas Vaucone qui n'était pas connu à ce moment-là, mais qui est devenu genre un gardien qui était dans les Tomas, genre à ce j'aimerais moment-là. J'aimerais dire Thomas. Thomas Vaucone. Thomas! Fait que là, David Paul a hérité d'une équipe de merde comparée, mettons, à... Ben, l'équipe d'expansion. Vegas, par contre, ils ont eu une meilleure équipe que ah ouais, mais là, sur papier. Ah, là, Vegas. Vegas, okay. C'est pas la norme. Vegas, là, Vegas les gars, c'est comme les gars, j'ai comme deux pages à dire, OK? Ah ouais, vas-y, Jeff, clenche-les. Ah ouais, okay. Dis-les, calice. Il reste une minute 42. Le tout premier choix au repêchage des Prédateurs d'Ottawa, des Prédateurs de Nashville était David Leguan, qui était le sixième choix au total. Effectivement. Puis, dans le fond, les David joueurs Leguan. Qui avaient été repêchés par la suite... Alex Tanguay et Simon Gagné étaient disponibles à ce moment-là, qui étaient des meilleurs joueurs que David Leguan. Fait que ils se sont contactés de Leguan. Mark, non, sérieusement, je vais juste parler parce que sinon on finira plus, là. Le problème, c'est que Jeff est trop préparé pour la quantité de monde qu'il y a ici. C'est ça l'affaire. Non, c'est ça, mais là, je fais du contenu pour les auditeurs. Tu vois, t'en fais du divertissement. Non, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Il a laissé tomber Alex Tanguay et Simon Gagné, puis il a sélectionné David Leguan. En 99. Les Preds avaient 15 choix au repêchage. Leurs meilleurs joueurs qui ont eu une carrière nationale étaient Martin Erat et Adam Hall. Alors en 2000, sur 12 choix, les joueurs qui ont eu une carrière dans la Ligue nationale, c'est Scott Hartnell et Matt Hendricks. Pas des top joueurs, Dave. Scott Hartnell a des beaux cheveux. Ben, Scott Hartnell, par exemple, il a quand même... Dans ses premières années, il a fait beaucoup d'échanges mineurs, puis il a essayé de tricher un peu pour améliorer son équipe en échangeant des choix, un choix de troisième ronde, comme par exemple, en 2000, contre Craig Miller. Ce choix de troisième ronde est devenu Mike Comrie, qui a aidé les Oilers à se rendre en finale de la Coupe Stanley contre la Caroline. Et puis aussi, il a échangé un choix de troisième ronde pour Mark Eaton aux Flyers, qui ont repêché Patrick Sharp, qui a quand même eu une bonne carrière à ce moment-là. Avec Chicago. Patrick Sharp. En 2001, sur 9 choix, leurs meilleurs joueurs étaient Dan Amuse et Jordan Tutu. Dan Lanus. En 2002, le seul joueur qu'ils ont repêché sur tous les choix qu'ils ont eu, c'était Scotty Upshaw, qui a eu une carrière dans la Ligue nationale. En 2003, c'était leur meilleur repêchage de leur histoire. Ever. C'est là qu'ils ont repêché Ryan Ever. Souter et Shea Weber. Tu sais, quand tu fais un repêchage puis tu repêches un gars comme Brian Souter puis Shea Weber, là, ben, là-dessus, là, tu viens d'avoir un boost là, dans le c'est fond. Ça a donné... son équipe par le repêchage. Et voilà, ben, là, il l'a fait après 5 ans d'existence. Ouais. Tandis que les Prédateurs n'ont pas été genre dans le top pendant toutes les années depuis qu'on commençait avec un club de marne. Puis ils n'ont pas eu des gros... Dans un sur mauvais 50, marché de sur 50 choix à peu près, ils ont eu 5 choix. Mais c'était avant la loterie aussi, là. Ben, ça revient au même. Le tinkage, ça comptait aussi. Ouais, là, mais avant, la loterie a changé le repêchage, là. Ah, regarde. Ouais, ça change le repêchage. La loterie, ça change une vie, là. Ouais, ça peut t'amener directement au caniveau. Non, mais justement, à la fin, je vais mettre une parenthèse sur la loterie, ben, comment ça fonctionne, là. Fait que là, c'est ça. Après 5 ans, ils ont réussi à mettre la main sur Ryan Souter et Shea Weber après 5 ans d'existence. Ouais, sur 50 choix, il y a eu 7 joueurs qui ont une carrière dans le national sur 50 choix repêchage. En 2004, 50. Un move mineur devient un coup de circuit. C'était peut-être un des gros, son plus gros move, je te dirais, qu'il a fait à date depuis qu'il est avec les Preds. C'est qu'il a échangé Timo Ebling pour un choix de 8e ronde. Timo Ebling? Oui, il a échangé ça pour un choix de 8e ronde. Puis ce choix de 8e ronde-là est devenu Pekka Rinne. En 2004. C'est un hommage. Cette année-là, ils ont repêché Radulov en plus en première ronde. Tu sais, dans le fond, Radulov, c'était comme peut-être un des meilleurs prospects qu'il y avait à ce moment-là en 2004. Ben, c'est un excellent prospect. Sauf que malheureusement, Radulov a seulement joué 2 ans avec les Preds puis a collé son camp dans la KHL parce qu'il voulait faire plus de 2 ans. Puis il a juste joué 2 ans, puis après ça, il a quitté son camp dans la KHL. Nonante. C'est ça. Puis après 2 ans, ils ont perdu leur meilleur prospect à l'attaque. parce qu'il a voulu aller jouer dans le KHL. Ça, c'était Radulov en 2004. Puis après ça, il est revenu un petit peu plus tard. Puis ça fait tout dans un bar. Puis ça, c'était le Radulov édition Sapoud. Exactement, dans ses débuts. Voilà. En 2005, seulement deux joueurs 2005. Ont une carrière dans la Ligue nationale sur les choix qu'ils ont repêchés. C'est Cody Franzen et Patrick Ongvist. En 2006, il en vomissait un peu en sa bouche. En 2006, tous les choix qu'ils ont eu au repêchage. Tous les choix qu'ils ont eu au repêchage en 2006, il n'y a aucun joueur qui a joué, qui a eu une carrière dans la Ligue nationale ou qui a joué une game dans la Ligue nationale. Le détail de ton hommage de David Foyle est fucking long. Ben, ça s'en vient, j'achève. Ah ouais, focus. Clan, ok. Le ouais. Rap, man. Dans le fond, le plus gros, je te dirais, trade de David Poile depuis qu'il est en poste à 98, merci. C'est quand il est allé chercher Peter Forsberg. Vous vous en souvenez quand Forsberg était joué avec les Preds? Hey, c'est bon, il a fait comme joueur saison. De location contre Ryan Parent, Scotty Abshaw, puis un choix de première ronde et de troisième ronde. Il a payé beaucoup pour Peter Forsberg. Peter Forsberg avec les Preds a joué seulement 17 matchs dans la saison. Il a eu 2 buts, 13 passes en série, puis l'équipe a été éliminée en première ronde. Ouais, mais en il était fucking games. Blessé, le gars. Là, il ouais. revenait mais non, il a joué toutes les games. Il a joué toutes les games cette année-là quand il s'est joué au Preds. Ouais. Il était pas blessé, il a joué toutes les games. Il a fait quoi tu peux jouer blessé pareil. Ouais. Comment? Il a fait quoi comme saison? Ben, c'est ça, j'ai dit avec les Preds, il a fait 2 buts, 13 passes, puis il a fait quasiment 60 points, 70 points dans l'année. Ben, 70 points dans l'année. Dans cette année-là. C'est bon en tapant. Ben, une saison, 70 points. Fait qu'il était cherché un joueur de location, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. En 2006. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce qu'ils ont juste fait une ronde en série finalement c'est cette année-là. Beau, ben, c'est bon, tabarnak. Ils ont fait une ronde de série, c'est très bon. Ah, je pensais que c'était pas bon tantôt. Ah, c'est toi qui dis c'est bon. Okay. Si, là, ça tourne autour du pot, je te dirais, de 2006 à 2013. On fait un gap. Combien de fois les séries avant ce que tu veux dire? Les Preds, ils ont fait les séries peut-être une fois en 3 ans en moyenne. Hey, tout okay. très poil. Ça veut dire qu'ils ont eu des gros choix de repêchage. Par okay, contre, mais ouais, en 2013, là, c'est après 15 ans, c'est là qu'ils ont fait son, je te dirais, son meilleur move depuis qu'il était avec les Preds. C'est il a réussi à échanger il a sa femme. Martin Erat et Michael Latta pour Philip Forsberg. Latta. Philip okay. Forsberg, c'est devenu un gars de la première ligne. Là. C'est un gars de 30 buts. Ok, mais 30 c'est quoi passes. Ton point avec tout ça? Je fais juste vous, expliquer là. La job. On le sait, son historique. T'es c'est rendu ça. Où, là? Là, je suis rendu que après ça. Il doit être aimé en esti en soi. Ça fait comme ben son ouais. apologie. Là, l'équipe, il y a quoi qui se passait, oh. là? Leurs meilleurs défenseurs qui font partie du club présentement, ils ont été repêchés en 2008, qui font partie du top 4. Ryan Ellis, Roman Hossi et Mathias Ekholm, qui ont, ils ont repêché dans ces années-là en 2008. Ça faisait 10 ans que l'équipe existait. Puis après ça, ils ne font pas essayer en 2013, ah. malheureusement, ah malgré tous les joueurs qu'ils ont. Ben, ils sont en développement, ça s'en vient. Puis là, ils réussissent à repêcher Seth Jones. Seth Jones leur a permis d'avoir leur premier joueur de centre depuis 1998 en Ryan Johansson. Leur joueur de centre, c'était Mike Fisher et David Leguan. C'est ah, pas des top joueurs. C'est calice, me semble. De les ça. Meilleurs c'est, joueurs. C'est quoi le point? Mike, je rends hommage à David Paul, qui est un des meilleurs. C'est calice, ça fait 10 minutes que tu fais ça. J'arrive. Sinon, je l'aurais pas fait le devoir. Là, je peux jeter les feuilles et on n'en parle plus. Là. Ben, c'est toi qui as voulu faire ça. Oh, parce... il est froid ici. Non, mais c'est ça. On l'a froid ici. Après ça. Oh, ben, tabarnak. Après ça, là. On aura tout. Avec tout ça. Là, il a fait l'échange, il a Weber, cherché Weber Subban. Il a fait un autre move en cherchant Cal Turris. Fait que ça, il a okay, permis de bâtir son club que là, présentement... Cœur, là. Non, mais c'est sûr, je les ai étudiés. C'est des aides-mémoire qui servent à rien, ça. Ah, j'ai envie de péter. Arrête. Fait que là, c'est ça, dans le fond, je te dirais. Là, on est en 2018. Hey, ça a pris 20 ans pour David Poile en poste pour réussir à bâtir un club. On l'a eu, il y a du David Poile. C'est ça, pour avoir un club qui pourrait être candidat pour la Coupe Stanley. Avec une fenêtre ouverte. Avec une fenêtre ouverte en 20 ans d'existence. C'est bon, il passait un club qui n'existait pas. Mais par contre... En 20 ans, il a été capable d'ouvrir le châssis. La question que je vais vous poser... C'est ça, la question que je vais vous poser, dans le fond, c'est là qu'on vient à là. Est-ce que David Poile, mettons, il aurait suivi le même scénario, pareil à Montréal, il aurait-tu toffé 20 ans? Comme Nashville. Avec tout ce qu'il a fait. Non, mais comme c'est ça. C'est inacceptable. 20 ans, c'est une calice de marde. Fire! C'est ça, mais à Montréal, pour le même cheminement, pour le même cheminement, à Montréal, si David Poile aurait non, fait les mêmes affaires, est-ce qu'il aurait ça rendu David Poile? ça n'aurait pas passé. C'est sûr que non. Mais pourtant, regardez avec la patience, David Poile. Mais Nashville n'était pas un marché de hockey, puis il est probablement. Là, il l'est parce que les clients. Ouais, il n'y a aucune pression. Il n'y a pas de travail qu'à faire. Il n'y a rien Nashville. Les presses devaient nager demain, il n'y aura plus personne là-bas. Nashville n'était pas un type de hockey c'est un team d'expansion. C'est un team différent. Ouais. Fait qu'on parle pas de la même business, on parle pas ouais, mais de ça la les même... empêche pas de faire tu parles pas de la même histoire. Même. Nous autres, on a inventé le hockey calice. Tu peux pas donner 20 ans à un DG à Montréal, ça se peut pas. Mais tu peux pas donner 20 ans à un DG. C'est pas triste, c'est tu peux pas faire ça. On a pas d'autres 5 ans à Montréal, on a pas d'attente de construction à Montréal. Les Preds, là... pendant 20 ans, calice! Les Preds, là, ils ont eu... C'est long, bâtir une équipe. Mais Jeff, dans un span de 20 ans, les gars qui sont là au début seront pas là à la fin, normalement, là. Tu prends pas des gars de 17 ans au début au complet qui vont te faire 20 ans. Ouais, mais avec les gars, tu repêches pendant ces années-là, ça te permet d'avoir des choix. Ouais, mais je peux échanger tes gars pour t'upgrader à chaque mais fois. Mais c'est clair. Le coach, Jay Prudz, il était là combien d'années? 15 ans à peu près. Ben, c'est ça. C'est quasiment toute l'existence. Puis lui, malgré qu'il finissait dans la cave, ils ont jamais pensé à le changer. Il a pas osé le faire parce qu'il a regardé une certaine stabilité. Ben oui, après mais ça, c'était ça, de mais commun accord. L'organisation est passée de même parce que le monde, il s'en calisse là-bas. Parce qu'il y a personne qui check ça. Puis à ouais, force de finir. De... C'est facile, ça passe tout le temps sous du radar. Sport, hein. Parce que là-bas, le monde, il s'en calisse. Essaye de faire ça dans un gros mais marché. Non, ça marche pas juste de Montréal. Le canadien, c'est impossible. Non, mais juste pour donner l'idée de Chicago. Le seul marché de hockey qui est vieillissant, qui a un historique, qui a gardé un coach aussi longtemps, c'est les Sabres de Buffalo avec Lindy Ruff. C'est lui qui a été le plus longtemps derrière d'un banc avant... comment il s'appelle déjà le Barry coach? Trotz. Barry Trotz. Qui est à maintenant... il a passé il est avec par, Washington. Il est encore à Washington, c'est ça. C'est le seul qui a réussi à passer l'épreuve du temps au même titre ouais, que parce Barry parce qu'à moins d'entraîneur, c'est 3 ans autour de ça. Ouais, mettons 5 ans. Mais parce qu'à ça, il signe des contrats de 5 la ans. La stabilité, t'sais. Dans le fond, a montré que c'est peut-être pas nécessairement une mauvaise chose. Puis Chicago... Ben, la fond... stabilité, c'est genre... Non, c'est parce que... Écoute, quand ça fait 20 ans que tu rentres une équipe et que ça bouge pas, d'entraîneur tout ça, veux pas, tu tombes dans un cycle. Puis ton cycle t'amène dans les bas-fonds, ton cycle t'amène vers des bons choix de repêchage. À un moment donné, ça devient un cycle menstruel. Carrément. Ben, c'est ça, ben, dans le fond, tu vois, ils ont réussi à bien repêcher après 10 ans parce qu'ils sont tombés sur des joueurs qui font partie de leur noyau. Parce que nous autres, on vient d'un historique à Montréal où c'est inconcevable parce qu'en 20 ans, habituellement, on a gagné au moins 4 coupes, tu sais. Non, c'est ça, mais c'est le contexte est différent. Dans ce temps-là, comme les coupes qu'on a gagnées quand il y avait juste 6 équipes, c'est pas pareil. Mais comme Chicago, qui fait partie d'un gros marché, je pense qu'ils ont passé quasiment 30-40 ans. Ça, c'est impossible. On est les Yankees du baseball. Du hockey. À Montréal. C'est ça. Mais comme tu vois, on est les Yankees du hockey. Ouais, puis à Toronto, année après année, ça faisait pas ici rire. Puis là, finalement, ils se sont redressés, justement. Puis là, ils vont miser, j'imagine, sur une. Peut-être plus de stabilité avec Brandon Shannon, Lula Moriello, puis ben, surtout des coupes de Shrek, ce gars. Ben cool. Hey, surtout de stabilité, surtout avec Auston Matthews, puis Mitch Marner, puis. Ben, c'est ça, mais. Ils ont eu des bons choix repêchage. Puis juste Mitch pour vous rappeler. Juste pour clore ça là-dessus. Vraiment beaucoup de Mitch Marner. C'est le clore, là. Pour clore ça. Là, le Canadien a une chance Clair, en or de repêcher un haut choix au repêchage au mois de juin. Ouais. Puis on va aller chercher un def qu'on va trader. Non, ça me surprendrait qu'on fasse ça. Troisième paire. Moi, j'aimerais entendre Julien dire dans le cas de Mitch Marner. Dans le fond, c'est sûr que mon plus grand souhait, puis le pire, c'est que je l'ai rêvé dans le temps des fêtes, c'est qu'on gagne cette fameuse loterie-là. Est-ce que vous connaissez les règlements de la loterie maintenant dans la Ligue nationale? C'est trois choix. Plus t'es bas, plus t'as de chance. Les trois derniers choix, dans le fond, là, sont. Le pourcentage est différent de chances d'avoir. C'est ça. Mais c'est avant, c'est pas trois choix. Là, c'est ça. Sauf que là, la manière que ça fonctionne maintenant, c'est les équipes qui font pas les séries sont éligibles pour avoir le premier choix. Donc, c'est le pourcentage. Ouais, mais le pourcentage est impossible. L'équipe qui finit dernier complètement a 20% des chances. Puis l'équipe qui finit, mettons, à limite 15e, disons, là, lui a 1% de chance d'avoir le premier choix. Comme des trois dernières... Les trois dernières équipes. Ben, ça tombe, mettons, à 20. Après ça, c'est, ouais, c'est ça. 7. Fait que c'est les trois dernières équipes au classement. Comme l'année passée, c'est New Jersey qui a gagné la loterie. Puis ils ont gagné comme 5 rangs. Je pense qu'ils étaient 7-8e, quelque chose de même. Ils ont gagné comme 5 rangs. Exactement. Puis Colorado a fini dernier. Puis ils ont repêché, je pense, 4e de Colorado. Ouais. Fait que c'est ça que le souhait, c'est qu'on va avoir un bon show repêchage. Puis le souhait, c'est espérer gagner un choix dans le top 3. Mais c'est correct, ça, cette loterie-là. Genre, que tu ne pas aimer, genre, à. à faire la carte. Ben, ça l'évite de tanker. Tu peux plus tanker, tu n'as plus le droit de le faire. Et puis là aussi. Tu peux le faire quand même pour aller. On s'est entendu quand tu piges un ça veut rien top dire. 5. Ouais, mais ça veut rien dire aujourd'hui. Ça veut rien non, dire. Non, ouais. Mais je veux bien, là, mais ben, ça veut rien dire. Je pense pas que ça veut rien dire. Ça donne non, des chances d'en empêcher. Sans dire, Dave, que ça veut. Non, mais en même temps, ton first pick, il veut rien dire. Ton first pick, veut pas plus dire qu'un cinquième choix, tu peux aller en chercher un très bon qui va faire mieux qu'un premier. C'est sûr, on va tout le temps se faire des gens de micro-bitaille. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est que le repêchage qui s'en vient au mois de juin, ça va être un des meilleurs repêchages depuis probablement 2007. 200 coquillèmes. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est ça. Voilà. Mais le repêchage qui s'en vient risque d'être le meilleur repêchage depuis 2007. Fait que c'est un gros repêchage qui s'en vient. Voilà les cons. Fait que, l'année d'être poche, je te dirais que le timing a été bon. Puis j'imagine qu'on n'a pas de temps pour que je call out quelqu'un en 30 secondes. C'est ça, vraiment 30 secondes. Moi, je te donne 30 secondes, mais avec tout ça, j'ai ravalé mon pet. Fait que vas-y, je vais trouver la toune du call out pendant que c'est ton doigt? Ben oui. Ouais, il est revenu parce que les fans chialent, il n'y a pas de call out. Fait que call out rapide de Jeff. Blessé. Quentin, mon délusionné qui s'habille comme un gars qui se travaille dans le salon mortuaire, va donc chier, Chris. C'est tout? Complet. Aucune raison, aucun dialogue, c'est paf, tout de suite. Les gens qui me connaissent le savent. Ouais, ça, c'est très peu nos auditeurs. Ou toute la base d'auditoire au complet, je sais pas. Ah. Fait que c'est ça fait. On saura jamais, probablement. Fait que ça fait le tour de l'épisode 10 de ce podcast. Ça, ça le fait, mon fait, ça le fait. On va se revoir dans deux semaines. À la prochaine, tout le monde. À la prochaine. Yo! Yo!